IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui. Oh, bah bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ah oui, là tu me dis bonjour tout de suite. Bah moi j'en ai plus rien à foutre. Comment allez-vous? C'est Florent Bernard au micro. C'est ma nouvelle intro. Au bien. Microphone. Au microphone, one check. Je suis personnellement au MIC. Je suis Florent Bernard, je suis accompagné comme à l'accoutumée d'Adrien Méniel. Comment vas-tu? Mais pas ça va, mais pas comme à l'accoutumée. Pas exactement. Parce que pas accompagné de sublimes invités, je sais plus comment ouais, tu dis. Ouais, je suis plus de oui, en tout cas très bien seul, entouré, quoi. Machin. En tout cas, on est que tous les deux. Il n'y a que Adrien et moi, et c'est déjà pas si mal. Hein, voilà. Estimez-vous heureux. Voilà. Non mais non, parce que par le passé, on a déjà fait des épisodes où on était que tous les deux. Ouais. Et soyons totalement transparents, telle une bonne bouteille en verre. Je suis un Velux, hein, tel voilà. Que tu me vois. Enfin, que je te vois pas, du coup. Ah bah, parfaitement propre. Hein, oui. Donc, si je regarde de près, il n'y a rien devant moi. Toc toc. Bah, si, bien sûr. Non, mais quand on a fait des épisodes tous les deux, par le passé, c'est parce qu'on n'avait pas d'invité. C'est vrai. On était en galère, on a dit, bon, bah, vas-y, on fait un truc tous les deux, machin. Ouais. C'était pour autant des bons épisodes. Enfin, on avait des bons retours, on kiffait et on avait des bons retours. Et du coup, on s'était dit, hé, hey, gars, man. Frérot, viens, on en refait de temps en temps. C'est pas un dos qu'on est en train de se dire. C'est pas du tout un dos, non. Viens, on en refait parfois, mais décidé, tu vois. Ouais. Genre pas parce qu'on est en galère. Et donc là, bah, on s'est dit début d'année. Ouais. Alors oui, déjà. Bonne année, mais non, mais bonne année, mais aussi oui. Il n'y a pas eu d'épisode pendant deux semaines. C'était les vacances. Alors ça, je t'avoue. Non mais je te lance là-dessus parce que je sais que ça te. Non, voilà, mais pas moi, du tout. Boire, en plus, je vais boire un petit peu. J'en ai eu très peu, mais j'ai eu quelques messages de. Eh oh, eh oh, vous êtes où là? Et la petite trêve, des vacances, 15 petits jours, peut-être 3 semaines, c'est, dans ce cas c'est beaucoup, pardon, je voulais m'excuser. Bah non, non, il n'y a eu que 2 épisodes. On l'a sorti à Noël le dernier, donc oui, non, 2 semaines, on a que 2 épisodes oui, pour sauter. 2 épisodes, c'est pas si ça pire. Ça va, hein, franchement. Et en fait, il faut savoir aussi que pour les auditeurs hardcore... Déjà, t'as un gosse, on rappelle. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé comme une excuse. Et j'ai un film, ça sera la nouvelle excuse. Ouais, bah oui, là. Non, mais c'est que... les gens n'écoutent pas trop de podcasts pendant les fêtes de Noël. En fait, il faut vraiment vous le dire. L'épisode qu'on a sorti avec Pierre le 25 décembre, alors c'était pile le 25, hein, mais a fait beaucoup moins d'audience. Et on s'en fout, hein, on fait pas ça pour l'audience. Oui, mais du coup, on va pas se forcer à faire des épisodes alors que déjà c'est un peu les vacances. Si en plus il n'y a pas une demande massive de gens qui veulent, on se dit que les auditeurs sont capables de, voilà, de faire une petite pause de 15 jours. Voilà. Et si on n'est pas là, allez écouter Pardon GPT, allez écouter le Cozy Corner. Déjà, il y a plein d'épisodes où il y a Adrien invité. Vous pouvez, voilà, allez écouter n'importe quel autre podcast. Adrien sera invité et vous pourrez l'écouter. Oui, oui, non, il y a plein de choses. Faites-moi un chèque à Cast. Maintenant, c'est bon. Pour moi, tu es le Footix d'Acast. C'est ton petit visage. Ouais, c'est ça. Voilà, on a envie de te mettre sur des t-shirts. Très ringard et bientôt oublié. Uniquement remémoré comme un truc grotesque. J'ai envoyé une photo à Adrien. Pas vraiment de lien, mais un petit peu quand même. Et je la mettrai sur l'Instagram du Floodcast en story. Bah, mais le mec est multi. Un énorme build du Big Deal. Bah, c'est fou, taille ça. Réelle. C'est-à-dire qu'il fait un mètre, même plus grand que la taille réelle, puisqu'il est plus gros que la dame à côté. Et vraiment, je vous le dis, je le mettrai parce que j'ai failli l'acheter, parce qu'il était pas, il coûtait 120 balles, donc c'est cher, mais pas si cher. Imaginez, un bill taille réelle. C'est-à-dire que vous êtes chez vous et vous dites, mais attendez, c'est un extraterrestre dans votre sol? Non, c'est une peluche de Bill du Big Deal. Voilà. Bon, moi, chez moi, ça prend la moitié de de la surface. Donc, ouais, c'est ça. Je peux pas me le permettre. Moi, j'ai un peu peur de faire peur à ma fille avec ça, donc du coup, dans la maison de campagne, un peu caché, puis quand elle a l'âge. Encore pire, encore pire. Ah oui, mais... ah oui, elle genre dans la cave. Non, pas caché, genre sous son lit. Papa, il y a Bill du Big Deal. Il y a un monstre sous mon lit. Oui, c'est moi qui l'ai mis. Il me demande de choisir entre le rideau et la cagnotte. T'as déjà dit le prénom de ta fille? Non. C'est Johan, c'est sûr. Ah ouais, oui, ok. Il y a pas de problème. J'ai essayé de dire. Bon, bonjour. Ah ouais, non, mais c'est la gaffe. Ça, c'est pas la gaffe, ça, mon ami Johan. Adrien Méniel. Alors ça y est, on part direct dans le vif du sujet. Non, pas tout, pas, pas forcément, non, mais c'est alors, juste qu'effectivement on a pas trop de programme, hein, on va le dire, on est à la cool, on va parler, on fait un peu confiance à notre. Et puis c'est début d'année, on s'est dit qu'on allait peut-être un peu se lancer sur qu'est-ce qu'on va faire de beau cette année. Oui, alors bon, déjà lisons, je les ai sous les yeux, autant le faire tout de suite. Allez, les bonnes nouvelles du côté crypte. Écoute. En Corée du Sud, le Parlement a adopté ce mardi, un projet de loi visant à mettre fin à l'élevage des chiens destinés à être mangés. Très bonne nouvelle. Voilà, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, d'accord, donc, ils mangeaient un... Enfin, vraiment, oui, pardon, mais... T'as vu que la mauvaise nouvelle au sein de la bonne nouvelle. Genre, non, mais... Ah, donc jusque-là, on mangeait, ça tuait des chiens. Non, c'est pas ça. C'est que pour moi, c'était vraiment juste un cliché raciste. Ah oui, d'accord. Et c'était la pure vérité apparemment. Donc j'étais un peu surpris, mais je suis très content que ça s'arrête. Oui, oui. Voilà, d'ailleurs si on pouvait mettre fin à vraiment tous les élevages de chiens. Alors attention, le vegan là. Adoptez vos putains de chiens. Vos excuses à chaque fois sont nulles à chier. Mar Galceran, une femme politique espagnole de 45 ans, est devenue la première députée espagnole porteuse de trisomie 21. Ah tiens donc. Ça bah écoute je savais pas. Ah ouais, je serais curieux qu'il y ait, je savais pas qu'il y avait des hommes politiques. Bah non, moi non plus. Elle a été élue députée en septembre dernier à l'Assemblée régionale de Valence en Espagne. L'association Down España a salué un énorme pas en avant. Bah oui. The Weeknd a fait un don à l'organisation School on Wheels basée à Los Angeles à destination de 1000 élèves sans abri de la maternelle à la terminale. Alors attends. Mais il a donné combien des... Oui, c'est ça parce qu'ils disent pas le il y a pas dans le montant. Moi j'ai déjà donné hein aussi hein. Ouais, ouais. On crie pas sur tous les toits. Ouais, Hugo, il a pas décrypté ma bonne nouvelle hein. Puis il a assez mal décrypté là. Si on peut, enfin d'habitude je trouve c'est un des meilleurs décrypteurs que j'ai jamais vu de ma vie. Pour moi, c'est le meilleur pour moi. Voilà. C'est-à-dire que là je vois pas qui d'autre décrypte aussi bien qu'Hugo. Bah non, je cherchais une blague, mais un décodeur, j'allais dire Canal, mais vraiment j'ai 800 Philippe ans quoi. Philippe Dana. Pourquoi? Ah oui, il est sur Canal. Il est sur Philippe Dana. Oui, c'était le gars de Canal, c'était oui, ce gars de sa cartoon. Il y a eu 1000 ans. Ah oui, mais ah, oui, d'accord. C'était ah, donc, pour dire que ta référence était une référence de vieux. Carl Zéro, si tu pourrais dire. allez, oh encore, mais attends, c'est et Daisy. J'ai pas fait exprès, mais il y a encore une news sur les chiens. Ah oui. Non, peut-être pas ça sur le week-end. Je me suis dit, putain. À Périgueux, en Dordogne, un chiot qui avait été abandonné sur un balcon alors qu'il faisait 0 degré a été sauvé par les pompiers. Bon, voilà. J'adore, mais Hugo, tu étais à court de bonnes nouvelles. Bah non, ça doit arriver tous les jours. C'est juste déprimant pour l'état du monde, quoi. Et très bonne nouvelle, il y a un chien, il avait un peu froid. Bah, c'est bon. Donc, c'est voilà. Il avait les papattes un peu froides, mais maintenant, bon, c'est un bon pépère. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai vu un film. C'est Chien de la casse. Avec Raphaël Quenard et ce super acteur, oh merde, j'ai un trou, qui joue dans Teddy, qui joue dans Les Méchants. Bon, celui qui ressemble à Vald ou pas du tout? Oui, je vois où pardon, tu en viens. Pardon, j'ai un vague. Oui, non, mais c'est ça. C'est, j'ai aucune culture Anthony ciné. Bajon, bien sûr, pardon. Anthony Bajon, qui a un super acteur, qui était dans La Prière aussi, qui faisait une performance de dingo. C'est vraiment un super film parce que. Mais donc, c'est vraiment un truc avec un chien? Bah, il y a un chien, mais c'est surtout sur des mecs qui se font chier. Dans un petit village. Et c'est plus ou moins. Si ça vous intéresse, tiens, elle ressemble à quoi? L'adolescence de Florent Bernard. Et bah, vous pouvez regarder ce film et ça vous donnera absolument tout, sauf le moment où il pécho une meuf, évidemment. C'est exactement ce que j'allais deviner moi-même. mais sinon, c'est un vrai beau travail. C'est un premier film en plus. Et évidemment, Quenard est formidable, etc. Mais Bajon est vraiment fort. La comédienne Galatea Bellucci. Qui joue la nana aussi, elle est. Enfin voilà, tout le monde est super, il y a plein de gueules. Et J'en entends parler en long et en large. Il est sur Canal en ce moment et moi j'ai eu de la chance. Ah ouais. Écoute, je prenais ma pause déj au hall, tel que tu me vois. Tu m'étonnes. Et en ce moment au hall, je passe qu'à UGC, il repasse des films qui ont un peu marqué l'année 2023. Et je vois 13h10 Chien de la casse. T'as fait, bon écoute. J'ai pris mon ticket, je suis à Chien de la casse, mais j'ai une anecdote. Mais une et deux, ou alors ni une ni deux? Ah bah. Laisse-moi réfléchir. Bon, pas 3, ça c'est sûr, non. Ni 4, et une... mais ni 1 ni 2 non ni plus. Hein. Deux, ouais, je l'ai pris directement. Chiffre. Ah non, aucun bah chiffre. Là comme okay, ça, bah, je m'y étais pas penché, mais je crois que t'as raison, non, il y avait aucun chiffre. Aucun chiffre n'est. Et donc quand je regarde le film, c'est cool, et j'entends quelqu'un chuchoter pendant le film. Alors, on n'aime pas ça au cinéma. Bah c'était Quenard. Non, dans le film. J'ai très mal compris le concept de cinéma. Arrêtez de parler là. Ça parle là. C'est le film, c'est le film. C'est Quenard. Et donc j'entends une dame parler, je me dis ah merde, ça tchatche, parce que souvent. Avec tout le respect que j'ai pour les vieilles dames, quand elles vont au cinéma avec des amis, vous parlez, les vieilles. Ouais, voilà, ouais, on parle des jeunes qui vont aller sec pas, qui cassent tout. Les vieilles, elles parlent beaucoup au cinéma. Et du coup, il y a une vieille qui parle. Mais... Les vieilles et les enfants. C'est vraiment les deux. Oui, mais les enfants vont voir des films pour enfants. Non, mais défends pas les enfants parce que t'as angoisse maintenant. Non, mais c'est pour dire, c'est vraiment aux deux extrémités du spectre de l'âge, quoi. C'est quand t'es enfant et après quand t'es vieux. Quand t'es enfant parce que tu connais pas les règles sociales, ouais, et quand t'es vieux parce que tu les connais, mais tu t'en bats les couilles. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Oui, mais je vais mourir. Mais c'est moi en fait, j'en ai rien à foutre. Je vous explique, ça fait 70 ans que je les suis. Voilà. Peut-être sur les 10 dernières, voilà. Vous pouvez me dire. Ça ne m'a rien apporté. Mais je pense, en vrai, je suis sûr que c'est ça. Que quand on dit, oh les vieux, ils font chier, ouais, ils parlent des heures et tout. Il y a de l'ennui, bien sûr. Mais des fois, il y a des vieux aussi. C'est pas juste de l'ennui, c'est juste. Ils s'en branlent, tu vois. Oui. Ils gênent, ils en ont rien à foutre. Ouais, je connais des gens moins vieux qui sont comme ça. Hein. Oui, oui, ouais. Mais je pense vraiment, parce que j'en suis déjà quasiment là, à mon âge. Non, mais il y a un truc de j'ai respecté toutes les règles toute ma vie, j'ai essayé de faire les choses bien, ça ne m'a rien apporté de bon. Je me suis fait marcher dessus. L'origine story d'un méchant Batman, hein, ce que tu m'offres, c'est vraiment. Bah, le Joker. Donc, je ne traverse plus sur le passage piéton. Oh, le petit bonhomme est vert. Ah bah j'attends. Il est rouge et me traverse. Oh là là, ce serait les couleurs de mon maquillage. Oui, parce que ça, ils l'ont pas fait dans le film, mais dans le comics, on se rend compte que c'est à cause du petit bonhomme vert, ce sera mes cheveux. Bonhomme rouge, mes lèvres. Le Joker. Ah, c'est les origines du Joker. Ah non, mais les gens oublient. Bon, bref. Bon, super film. Super film, mais dans la salle, j'entends une vieille parler. Et bon bah ok, c'est peut-être deux vieilles qui discutent. Et bah quelle ne fut pas ma surprise, la vieille est seule. Ah elle était. Et elle chuchote. Et c'est délicat de dire excusez-moi. Je sais que vous êtes démente visiblement, mais vous pouvez juste penser dans votre tête. Horrible. Donc elle parle. Elle est énervée. Donc folle. Alors merde. Ah mais. Et donc je fais bon ok. Donc petite gêne dans le ciné. Les gens veulent gueuler et voient qu'elle est seule. Une dame ne doit pas voir qu'elle est seule. Elle fait. Arrêtez de téléphoner là! Bon, il n'y a pas de téléphone, hein, évidemment, parce qu'elle est en train juste de. Donc elle prend pas pour elle? Non, ok. Elle dit non, bah. J'ai pas de téléphone, c'est bon, c'est pas et moi. Et là, à un moment, elle fouille longtemps dans son sac en parlant. Donc là, tu sors un peu du film, pour être tout à fait honnête, t'es un petit peu concentré surtout sur le. Surtout qu'elle sort un chien de son sac. Elle sort du sel. Comment on appelle ça, merde? Un carton de sel? Une salière? Non, bah oui, mais que t'achètes en magasin, quoi. Un truc, la baleine, quoi. Du sel, quoi. Du sel, il doit y avoir un nom de compartiment, mais bref. Et là. Pour une raison que j'ignore. Elle en jette derrière son épaule. Non, elle en jette sur ses mains et elle frotte ses mains avec du sel. Bon, allez. Là. Ou du. Alors, sur le moment, je sais pas ce que c'est. J'ai vu à la fin que c'est du sel. Est-ce que t'es sûr que c'était une vieille et que c'était pas Marie Saint-Filtre déguisée en vieille? Parce qu'attention, ça peut. Non, c'est le culot pour moi. Pour moi, ça, c'est une sorte de culot de faire ça. Non, c'était une vieille dame, effectivement. Et donc, à un moment, je me dis, ben. Peut-être faut la sortir du cinéma même en vrai parce que peut-être qu'elle est en train de stresser. Enfin tu sais moi j'ai fréquenté. C'est pour ton propre confort. J'allais dire. Peut-être pour elle ce serait bien peut-être qu'on arrête de lui donner des droits cette femme. Non mais bref je me dis en fait je me suis mis à avoir peur vu qu'elle commençait à gueuler un peu fort. Je me suis dit peut-être elle est dans un état. J'ai connu des vieux qui avaient Alzheimer ou des choses comme ça et tu sais ça arrive quoi d'un coup tu paniques tu sais pas où t'es etc. etc. Oppenheimer par contre. cinéma. Je confonds tout. Ouais. C'est pour ça que devant Oppenheimer, je me dis, mais il a quand même vachement de mémoire le mec. Excusez-moi. Il se rappelle de tout. Il a un taf qui demande des capacités cérébrales énormes. Énormes. À aucun moment il oublie. Et donc, je vais la voir. Je dis, excusez-moi madame, on vous entend. Elle fait, ah oui, pardon. Plus entendu de tout le film. Oh là là. Très étrange. Ça me bouleverse et me brise le cœur. Voilà. J'ai l'impression de la voir. Plus ou moins tué. Et donc des fois je regarde un peu à gauche quand même. Non, qu'est-ce qu'elle fait du coup? Et à la fin du film elle part. Elle t'avait préparé une tarte. Venez, désolé, j'ai fait un peu de bruit. J'ai vu que vous n'aviez pas de popcorn. Ni même un simple paquet de Malteser. Voici une tarte. J'ai chié dedans hélas. Ah. Ah, là, je retrouve le petit grain de folie. et donc non, et c'était du sel. Elle avait plein de sel qu'elle avait mis par terre et tout. Et c'était un peu bizarre quoi. Donc après je sais que dans la superstition le sel ça joue un. Mais elle se lavait les mains en fait. Peut-être c'est pour le mauvais œil ou un truc comme ça tu vois. Mais voilà, c'est comme les gens qui jettent le sel par-dessus leur épaule et tout. Je crois qu'il y a un truc avec le sel. Ça je sais. Non mais du coup peut-être se frotter les mains. Normalement tu renverses le sel et quand tu le renverses il faut vite en mettre derrière ton épaule pour conjurer le mauvais sort. De ce que j'ai en mémoire. Conjuring par contre. Conjuring 2 le mauvais sort. C'est fou, je mélange les films en fait. Bah oui, tu confonds tous les films. Et tout ça pour dire que dans les bribes de mots que je comprenais, elle discutait avec quelqu'un quoi. C'était pas juste elle était dans sa tête à penser, fait hein? Hein? Alors t'arrêtes. Voilà, bon. C'était un peu particulier. Donc, donc voilà, une petite angoisse sur le moment. News suivante de bonne nouvelle de Hugo Décrypte. Je suis rentré chez moi en plein Paris, j'ai trouvé une place en 5 minutes. Là, il est vraiment à court de news. Hein. Ah, malheureusement, là, c'est vraiment. T'as plus rien. Il dit franchement, en heure de pointe, j'y croyais pas mes yeux. J'en croyais pas mes yeux. Il a fait une faute. Oh, mais tu croyais il a pas très même. Mal décrypté. Je décrypte Hugo Décrypte, en fait. Et franchement, bah, ça m'a fait la journée, il dit. Et il y a une photo de lui avec sa bagnole. Oui! Oui, ouais, ça c'est à côté parce qu'il s'est pas pris en photo pendant qu'il conduit. Il prend pas de risque, Hugo. Non, non. Sinon, il s'appellerait Hugo prend des risques. Ouais, et vraiment pas du tout. Alors là, il décrypte, mais il prend aucun risque. Non, en vrai, les élèves britanniques pourront étudier la langue des signes au collège. Ah oh, putain, ça c'est trop bien. Moi, je l'aurais grave fait. J'ai envie de le faire, moi. Parce que moi, ouais, j'ai. Bon, comme chaque envie que j'ai, je ne l'assouvis pas parce que je pense que je suis destiné à être malheureux et à ne pas m'épanouir. Mais non, mais pendant longtemps, j'avais grave envie d'apprendre la langue des signes. Pardon. Mm-hmm. Je sais pas, je trouve ça trop cool. C'est très stylé. C'est Justine Le Potier, je crois, qui l'a pratiqué. Mais oui. Elle a le savoir. Et j'avais regardé moi des vidéos. Bon, j'ai tout oublié évidemment, mais je savais dire un peu des mots, des trucs. Pas mal. Je crois que j'allais dire péter, mais j'ai oublié ou chier, je sais plus. Bon, j'allais à l'essentiel. Non, mais t'avais commencé par un truc. On faisait déjà le floodcast. Ouais. Je me disais bon, quel vocabulaire j'ai besoin. Oui, pour un podcast audio. Oui, bah oui, non mais j'avais déjà la tournée en tête. Non, trop cool. Ah, et l'initiative est portée par Daniel Gillings, un jeune britannique de 17 ans, sourd. Il est engagé depuis ses 12 ans pour que sa première langue soit intégrée au brevet des collèges britanniques. Ah, c'est trop bien. Donc ça devient une épreuve, carrément. C'est l'initiative. Ah oui, bah, à partir du moment où tu l'apprends, j'imagine que tu oui, du ouais. coup. Mais ouais, trop bien. Et après, est-ce qu'il met un petit mème marrant ? Non. Ça, c'est ma partie préférée des posts du Grand Écrit, c'est le petit mème à la fin. Il y a là. Un petit mème et après un petit sondage qui fait froid dans le dos. Ouais. Où des gens où tu dis ah la France pense, enfin des jeunes de l'âge d'Hugo pensent ça de la France. Eh bah top ça. Ah ouais. Oh la vache. Là je regarde, attends. Ah là, trop marrant le mème. Bah c'est le mème de Spider-Man là, mais d'un côté c'est Gabriel Attal et l'autre c'est. Je te jure que c'est la vérité. Et c'est Macron, l'autre. Et il se montre genre, bah attends, ah bah Macron oui. c'est Attal. Bah oui. Quel est le propos du truc? Enfin, tu vois ça, tu fais, oui oui, bon, c'est vrai que c'est le même style de mec. Voilà. Tu sais que ma meuf produit Hugo Décrypte. C'est pas lui qui a fait le même. Pour moi, ce serait marrant de lui demander. C'est toi qui fais les mêmes ? Mais non, parce qu'il les parce que il y a marqué à chaque fois en dessous attends. Stolen sur. Attends, j'appelle Clara. Tu l'appelles vraiment ? Mais non, mais à chaque fois, c'est il les prend d'un autre compte. Oui, mais je veux être sûr. Je veux savoir. Est-ce que c'est lui qui les choisit personnellement ? Est-ce qu'il valide les mêmes ? Est-ce que tu mets en haut-parleur, bien sûr. Est-ce que Hugo Décrypte valide les mêmes ? J'adore que tu l'appelles pour ça. Clara produit interview face cachée. C'est le meilleur podcast pour l'instant. Ouais. Malheureusement gâché par le fait qu'elle m'aime pas tant. Que votre coupe bat de l'aile. Des connes à plein tube. À plein tube. Ah, elle m'envoie. Je suis réunion. Elle n'est même pas en réunion, elle voilà, est directement une réunion. Je suis réunion. Bon, c'est pas grave. Je vais lui dire. Demande-lui. C'était un truc très important que je voulais te demander. Que je voulais. Dis 911, Johan. Écris ça. Johan est tombé. J'envoie juste ça. Allô ? Non, non, elle va bien. Par contre. Incroyable, elle m'envoie sauf si Joe est tombé et je quitte la réunion. Oh là là. Oh là, là. Bah, on est connecté ou quoi ? Allez, c'est reparti pour 10 ans. Peut-être pas 10 ans, 5. Oh, un bon 2 déjà. Allez. Étape par étape. Donc voilà, le même. Oui, c'est ça. Macron et. Moi, ça, ce qui me tue de rire, c'est que t'as cru que j'inventais. Ah oui, mais moi, vraiment... le même de Spider-Man et tout, je me dis, bon, là, il part en impro. Mais ça aurait pu. Non, mais les. Oui, les mêmes, je. C'est. Pour moi, mais c'est une théorie, peut-être que l'histoire me donnera tort, mais pour moi, on regardera les mêmes dans quelques décennies, comme on regarde maintenant... Les roucasseries. Non, tu sais, genre les t-shirts à message ou... Ah ouais, en fait, pour moi, non, pas forcément les t-shirts à message, mais pour moi, les mêmes, c'est l'équivalent actuel de, il y a, je sais pas, 20 ans... les darons qui faisaient des PowerPoint et à la fin t'avais une photo d'un singe assis sur les chiottes et qui disait eh ben ils ont dur le travail. C'est ça. J'ai bon. Pas bien connu cette époque, je t'avoue. Ah bon, ouais. Non, mais au début d'Internet, en tout cas en France, ouais. il y avait vraiment un truc qui était les darons qui s'envoyaient des PowerPoint par mail. Ah, c'était des PowerPoint. Et c'était des ouais. boucles de PowerPoint que les gens transféraient à leurs potes et tout. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Ouais. Et donc c'était... t'avais des slides de PowerPoint et à la fin c'était et c'était souvent des gens qui moi, chient, des gens qui chient. Ouais, et pour moi, c'est, je pense que dans quelques années, mais peut-être que je me trompe. Oui, parce que tu vois, autant ça, je m'en souviens pas du tout ce que tu racontes, et pourtant, Dieu sait que je suis fou de web. Oui. Alors j'entends que le mème est quand même bien implanté. C'est juste qu'il évolue en plus. C'est que pour moi, un mème, quand j'ai commencé le web, bah, c'était les têtes un peu rigolotes de. Derp, tu te souviens ces trucs-là et genre les rage face, ouais voilà ça, c'est ça, ou les trollololo, les trucs oui, comme voilà. ça, et en gros c'est juste devenu maintenant des blagues sur des bah, en images. En fait, même maintenant veut dire blague. Non oui, mais en fait tu vois, bah là par exemple l'exemple. Mais en là question, c'est vrai que c'est un mème parce ouais. que c'est parce que moi enfin c'est un mème. Pour moi c'est une image un peu reprise beaucoup un mème. C'était ça un, en ouais. fait la définition de base. Ouais. C'était un peu des templates de trucs et tu le comment dire. Tu le réutilisais. Moi quand? Pour oui. moi c'est plus un dérivé des groupes Facebook. Tu sais, une époque les groupes Facebook c'est quand tu fais pipi sous la douche ou tu vois. Ouais, mais ça ou... c'est déjà. Enfin oui oui. Non c'est après, mais pour moi c'est ça les mèmes, parce que les mèmes c'est des gens qui partagent. Souvent les mèmes sont des trucs de ah moi aussi je fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Souvent je trouve que oui, les oui. mèmes c'est moi quand le serveur me fait une blague au bah, restaurant. C'était ça à ouais. une époque surtout, mais maintenant ouais. et comment justement maintenant en fait on dit oh, regarde ce mème et c'est genre c'est juste une blague sous forme d'image. En fait maintenant ça veut dire blague sous forme d'image. C'est ça. Et mais même c'est, des fois c'est plus des images que blague sous forme d'image. Oui, oui. Ça c'est bien. Mais c'est vrai que parfois c'est des trucs qui ont genre 30 ans quoi ouais. et ils le repostent avec une légende genre eh bah dis donc ils disent regarde ce mème. C'est un truc de... Ouais. Et c'est des gifs aussi beaucoup. C'est ouais. des... Ouais. Alors, bon, on va passer... Bon, après, de toute façon, plus on digresse, mieux c'est, parce qu'on n'a rien préparé. On est à la cool, moi je vais faire l'horoscope à un moment. J'y ai pensé, figure-toi, donc ça tombe très bien. Ce que j'adore, c'est que quand on ironise sur l'horoscope et tout, les gens ils te disent, non mais... il faut pas confondre horoscope et thème astral, ça n'a rien à voir en fait. Ouais. oui, n'a rien à voir. Le point commun est que c'est n'importe quoi les deux. C'est le petit point commun quand même. Juste le thème astral met beaucoup plus de temps à te dire un truc faux. Donc autant lire l'horoscope du coup. Mais c'est un truc qu'on faisait chez Squeezie, ça. Tu sais quand j'avais animé l'émission de radio de Squeezie, ouais. on lisait l'horoscope de la veille pour savoir si ça avait été ah, bon. Ah, c'est pas con ça. C'est rigolo comme concept. Bah, fais-le. Et fais-le. Trop tard, je l'ai vendu à l'énergie, oh, ils ont merde. Tous les droits. Et c'était assez rigolo parce que c'était quand même régulièrement à côté de la plaque, hein, bien oui, sûr. Oui, mais surtout que sur une journée, c'est difficile. En fait, je trouve pas qu'il arrive assez de choses dans une journée pour dire écoutez, là, professionnellement, je prends des décisions un petit peu. Genre, bah non, là, c'est. Non, je suis au taf, j'avance, bon, je fais ma life. Non, mais c'est. Oui, oui, bon. Ouais. De toute façon, moi, j'ai jamais été très friand d'horoscope. C'est... Ma mère, beaucoup. Ma mère est très dans les trucs d'horoscope. Je sais pas si c'est un truc générationnel ou quoi, mais. Bah oui, mais sauf que. Bah, c'est... Oui, en fait, c'est générationnel. Mais ça a sauté une génération, quoi. C'est-à-dire que la génération de nos parents était quand même pas mal sur l'horoscope et tout. Ouais. Genre, c'était dans tous les. Enfin, sûr, c'était vraiment un truc et tout. Ouais. Notre génération. Enfin, en tout cas, peut-être pas une question de génération, mais plus une question d'époque. Ouais. Parce que l'époque suivante, l'horoscope, c'était vraiment perçu comme un truc de ringard, quoi. Ouais, ouais. Et à juste titre, j'ai envie de dire. Et il y a eu vraiment. Rappelons-le quand même. Et il y a vraiment, il y a quelques années. Un renouveau de tout ce qui est astrologie oui, qui oui. est fou quoi. Parce qu'en fait maintenant il le dit, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les fans d'astrologie en parlent avec beaucoup plus de précision comme si ça avait l'air plus vrai. Parce qu'avant oui. ils disaient bon t'es cancer, et bah ça ira aujourd'hui. Et maintenant ils disent oh, mais regardez la position de la planète de la lune avec machin et la montée des eaux, ce qui fait qu'avec une pierre comme ça et tout. Donc oui il y a plus de précision. Après ouais. est-ce plus vrai? Il y a plus de précision et en même temps, ça a été l'essor de la jonction de deux choses que j'adore, les mèmes et l'astrologie. Là, et là, voilà. on arrive, là, en grattant un peu, on arrive dans l'épisode de l'année préférée d'Adrien Méniel puisqu'il peut parler de ses deux bonheurs. Voilà, les mèmes et l'astrologie. Non, mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est fou, c'est fou. Mais moi, ma théorie, mais je sais pas si je l'avais déjà dit dans le Floodcast, mais je pense qu'il y a un truc... où comme on est, il y a eu un peu une prise de conscience, tu vois, de l'époque, de genre, faut pas faire des généralités sur les gens en fonction de leur origine sociale, machin, etc. Il faut pas, il faut briser les clichés et tout. Mais je pense que, et, encore une fois, à juste titre, et tant mieux, et très bien. Mais je pense qu'il y a quand même chez l'être humain une volonté de faire des généralités sur les gens, et du coup, ils se sont dit bon. On peut plus le faire sur ça. Peut-être reprenons les signes astrologiques et faisons des généralités sur les gens et assouvissons ce besoin de faire des généralités. Mais parce qu'on n'a pas le et temps, aussi... Adrien aussi. On n'a pas le temps. Que, je pense qu'il y a ça et aussi un truc de le monde est horrible. Les dirigeants sont horribles. Tout ce qui est au-dessus de nous, c'est une catastrophe. Donc, on a un peu envie de s'en remettre à un autre truc encore, mais on ne croit plus trop en Dieu, et du coup, on se tourne un peu vers l'astrologie. Ouais, sûr, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Ah, c'est possible. Mais, oui, voilà, donc je, un besoin de trucs un peu irrationnels pour donner un sens. Pour, essayer de donner un sens ou sortir peut-être la tête justement, de l'eau. Ouais. Ouais, voilà. Alors, je respecte ça, ça reste n'importe quoi. Là, mais, oui, mais voilà, non, mais c'est après... ça. Allez, d'accord de ne pas être d'accord, voilà. Il n'y a aucun problème. Vous avez le droit d'aimer ça, on a le droit de dire oui, bon, allez. Mais non, voilà. Bon, après, chacun a ses petits trucs pour s'en sortir. Bien hein. sûr. C'est pas moi qui vais juger ça. Oh là là. Enfin, si, de ce que je fais depuis vraiment 10 minutes. Mais libre à vous de n'avoir rien à foutre de notre non, parler. Non, mais de tant, dire, tant, tant que c'est ok de dire que qu'on n'y croit pas. Et, que... et surtout, alors là, et ça, je parle pour Adrien. N'hésitez pas à lui en parler en DM. Il pourra attention. Se défendre. Il pourra vraiment. Ayons une longue conversation là-dessus, s'il vous plaît. Il sera ravi de débattre sur ce sujet. Alors, en parlant de DM, mais on rejoint un peu le côté bilan qu'on va faire un peu de l'année, calmement évidemment. Mais bien sûr. Non, mais les jours passent comme ça. Parce que voilà. Alors d'ailleurs, tiens, parce que beaucoup de gens disent le temps passe comme des voitures. Les jours passent comme des voitures. Oui, parce que c'est. Il y a plusieurs voitures. Oui. Sinon, ça n'a aucun sens de dire le temps passe comme les voitures. Bah si. Ben non. Bah si. C'est pas ça qu'il dit. Il dit les jours passent comme les voitures. Oui, mais ça n'a aucun sens. Je suis pas d'accord parce que les jours passent comme des voitures. Donc il y a plein de voitures différentes, vu qu'il y a plein de jours. Et oui. Oui. Chaque jour passe. Bah, ça dépend de la voiture, mon pote. Comment ça? Bah tu prends une C3 par exemple. Ou une Twingo. Elle passe plus vite qu'une autre voiture, bien sûr. Bah, là, par exemple, une Porsche. Bah, ouais, mais c'est pour dire, tu te mets au bord de la route, tu vois plein de voitures passer quand même assez vite par rapport à toi qui es immobile. Si c'est une voiture sans permis, même si t'es immobile, elle passe pas très vite. Hein. Si, quand même, elle va plus vite que toi qui es immobile. Les vélos électriques, maintenant, ils vont presque plus vite. Maintenant. On en a vu un tout à l'heure. Vraiment, c'était une moto. Surtout que c'est très dangereux parce que les vélos. Il pédalait pas, hein. Les vélos. Il allait très très vite et il pédalait pas. Il avait un casque de moto, donc vraiment, ça n'avait aucun. Et en plus, c'est juste des. Une possibilité pour des motos de prendre des sens interdits, puisque les vélos, on a le droit de prendre des sens interdits à Paris. Enfin, la plupart des sens interdits font que t'as le droit parce que t'as de la place à droite. C'est juste une excuse pour. Mais c'est extrêmement dangereux. Bien sûr. Et te prendre des immenses bagnoles dans la gueule. Non, je disais, ça rejoint un peu ce truc de faire le bilan. C'est que je me rends compte que je ne tire aucune de leçon du passé. C'est-à-dire que. Je sais pas si t'as vu mes stories récemment. Oui. Je me sortais à peine de Black Mirror. Bien sûr. Qui était il y a quoi, 7 ans 7 ans. 6-7 ans. Bien sûr. J'en reçois encore des Black Mirror. C'était sous Hollande, pour vous dire. J'en reçois encore aujourd'hui des Black Mirror. Alors que moi, je ne fais jamais. Je disais pas Black Mirror pour en faire une expression. Je le disais parce que ça me faisait rire. L'expression a pris et on me l'a ressorti. Je rappelle que c'est juste une expression d'internet et pas du tout pas une expression podcast. Du podcast, non, évidemment. Rien à voir. Et donc je m'en sors à peine. Qu'est-ce que je fais? On dirait que t'as vu la bite à ton daron. Bien sûr. J'ai fait une story là-dessus. Story là, très drôle. Drôle, hein. Drôle, bien sûr. Moi j'ai adoré. Mais, attention, hein. Mais là, en plus, la prémisse est j'espère que ça va devenir une expression. Donc je suis con comme un manche, en fait. Je donne le bâton pour me faire battre. Bien sûr. Et bon, alors après. Je croise les doigts, mais personne ne m'envoie pour l'instant cette expression en DM. C'est bien sûr faux. Tes yeux sont écarquillés. C'est la pure. C'est faux comme tout. Même quand ça n'a rien à voir. Les gens font des pieds et des mains pour me dire attends, ton chien là, quand tu le vois, t'es choqué comme t'as vu la bite à ton daron. Bon, merde. Au moins respecter le contexte du truc. Sache que mes yeux ne se sont pas écarquillés, puisque j'étais évidemment persuadé que tu serais aimé, puisque moi-même. Je reçois moi-même des messages et j'ai sorti l'affiche de mon film là le jour où on enregistre aujourd'hui. Évidemment en commentaire, ça a l'air trop bien, je suis choqué comme si j'avais vu la bite à ton daron. Donc déjà, c'est pas mon daron, c'est censé être le vôtre. Enfin, ce qui est choquant, c'est de voir la bite de votre propre daron. J'essaye pas de retourner dans l'étymologie, mais à la base, c'était quand même ça. Et Adrien et moi ne sommes pas une entité. Mais non, mais c'est... Harcelez-le, lui. Moi, j'ai rien demandé. C'est le cas, rassure-toi. Non, non, mais... bah, après, je suis ravi que ça fasse rire les gens. Hein. C'est juste que on en rigole. C'est juste que ça me fait rire de me dire, je suis vraiment trop con. T'en as parlé me en plus dans le podcast en disant ah là là les running gags des fois ça nous échappe un peu. Voilà et j'en ai créé hein, vraiment oh là là façonné parfaitement pour que ça recommence. Prochaine vidéo, envoyez-moi tous. Mais pourquoi tu fais ça? Envoyez-moi tous. Quel que soit le propos, je suis Adrien. Oh là, j'aurais pas de recevoir. Et ce quel que soit mon propos. Je comprends pas, tout le monde m'envoie sur YouTube, je suis Adrien. Ah oui, c'est rapport au truc que t'as dit où tu voulais qu'on fasse ça. Je vois pas où vous voulez revenir. Je suis énervé, je suis Adrien. Bon. Oh, bah alors là, je suis sûr que je suis Adrien. Donc voilà, un idiot qui ne tire aucune leçon. Ceci étant, et là je vais mettre, tu vois, bon là t'as du vin un peu pur là. Mais alors, attends, t'as un verre de vin très pur là. Mais après je voudrais développer aussi. D'accord, mais c'est pour aller très vite. Le sax par exemple a pris une tournure que j'aime beaucoup. Parce que maintenant des fois, ces gens ils posent juste les emojis. Juste l'emoji, oh, j'adore ça. Alors là, écoutez, quand j'ai partagé encore une fois, désolé, tout, c'est ce que je viens de le faire, donc c'est plus proche de moi. De toute façon, on va parler de ton film. Mais... Il faut se le dire. Et puis alors, attendez jusqu'à avril, ça va revenir deux trois fois sur la table. Mais je vois des gens qui envoient juste l'emoji sax, et il y a un peu un truc cool. Moi j'aime bien, c'est quand c'est sur des trucs qui sont pas nos comptes à nous. Genre, non, mais tu vois, genre, j'ai, sur le compte de Gérard May, parce que comme je suis juré court métrage. Il y a des gens qui commentaient le sax et j'aime bien parce qu'il y a un côté genre un peu inside. Bah ouais. Là, le peu du S, pareil, quand on a fait l'annonce, plein de gens ont mis l'emoji sax et je vois plein de likes sur les emojis. Oui, d'ailleurs, sax. Je pense que c'était plus à ça que je pensais. Je suis pas sûr que. Non, mais enfin, c'est pour dire. Et du coup, il y a un peu un truc de petite commu qui est là et ça, ça fait plaisir. Donc non, ça, j'adore. Comme quoi, nous sommes des êtres complexes. C'est dur de savoir ce qui va nous faire rire, ce qui va nous sourire. Des merdes. Des connards. Mais des humains. Bon, et attends. C'est peut-être ça qu'on crée depuis 9 ans maintenant. Avec vous. C'est Florent. Oh, sur, je suis Adrien. Non, pardon, mais. Je voulais développer quelque chose, excuse-moi. Non, mais on s'en branle. En fait. Oh là là! Allez, quoi. Eh ben, il est insaisissable, ce mec. Bon. Sur Slurp, c'est Adrien. Je vais essayer. Non, mais attention, ça va vraiment. Tu sais très bien que ça va vraiment. Franchement, bon non, je dis rien. Non, attention. Bon, alors, 18 questions pour faire le bilan de l'année. Est-ce que ça t'intéresse, Florent ? Faire le bilan de l'année fait partie de mes rituels préférés. Alors, c'est sur un site qui s'appelle Happy To Do. Happytodo, je pense. Alors, que attention, Happy avec un... Pardon, je suis désolé, un écart, parce que j'en ai pas du tout parlé. L'application qu'a conseillé Big Flow, One Second App, là, qui a récupéré un extrait du Floodcast pour faire de la pub. Voilà, on en a pas parlé. Bien sûr que ça m'énerve. Ah oui. C'est-à-dire que, alors après il fait ce qu'il veut, hein, c'est sa voix, hein. Mais c'est-à-dire qu'ils ont quand même un extrait audio de, alors nous on est personne, hein, mais de Big Flow et de Lena Situation. Qui disent, c'est génial cette appli. Ah bah ouais, moi j'utilise ça, c'est charmé et tout. Et ils ont mis une thune pour que ça tourne partout. Ah ouais. Ah bah tout le monde me l'a envoyé. Ils sont pas tombés dessus par hasard, tu vois. Oui, c'est vrai. Et donc bon, je pense qu'il y a c'est rien d'illégal. C'est vrai que moi je suis tombé dessus par hasard, cela dit. Non mais je pense qu'il y a une thune de, tu vois, pour que ce soit propagé quoi. Et encore une fois, bon, on l'a conseillé et tout. Je pense qu'il y a rien d'illégal. Toutefois, j'étais un peu agacé. Pourquoi payer les gens quand vous faites une petite propale de trucs comme ça plus, à la cool. Il me semble que Big Flo et Lena sont un peu en galère de thune en ce moment. Bah ouais, les pauvres. Et là, ils ont fini 2023 sur les rotules à faire. Big Flo, il bosse au McDo hein, le soir. Hein, là, il chante, mais le soir, il est au McDo. Donc un peu de respect pour ce mec. Mettez du respect sur son nom. C'est fou parce que je l'imagine exactement avec une petite visière là. Bien sûr. Oui, avec la petite sûr. Chemise fermée. Qu'est-ce que vous voulez? Bien plus crédible qu'en rappeur. Pardon, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Désolé, Bigflo. Non mais je t'aime de tout mon cœur. One Second App, un petit message. Vous auriez pu envoyer un petit message. Est-ce qu'on peut utiliser l'extrait pour faire de la pub? Ça, je trouve que ça aurait été la moindre des choses. Vous l'avez pas fait. Ça ne m'empêche pas d'utiliser vos d'ailleurs, moi, putain y a d'appli quelqu'un... et ça marche très bien. Tu mais l'utilises toi? Ah ouais, putain, mais faut que je j'essaye. Moins sur parce Insta que et c'est bah bien. Parce que moi bah on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Mais moi mais utilisez pas exprès hein, one second. Ça fait un peu partie de mes résolutions okay, moi. Mais bref, mais non, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ah mince. Mince. Qu'est-ce qu'on a dit? Big Flo, rappeur McDo. Rap, ouais non, j'ai oublié, tu m'as j'étais sabordé. Je suis TDAH. Bref, faire le bilan de l'année fait partie de mes rituels préférés. Oh, tu chantes! Je trouve que cela permet de tourner la page sur la période écoulée. Ok. avoir une vision plus claire de là où on en est, éviter de partir à la dérive. Bah, doucement quand même. C'est... Troisième point, c'est devenu très sombre. Éviter de partir à la dérive en se laissant porter par les événements. Ouais, attends, qu'est-ce qui se passe? Tirer... Négatif de cette année terrible qui vient de s'écouler dans votre vie de merde. Ne pas se foutre en l'air. Waouh. Quatrième point, un peu. Hein. Ah, on sombre vraiment dans les ténèbres. Non, non. Tirer les leçons. Cinquième. Ah, tuez-vous. Tirer les leçons du passé, ça c'est pour moi. Ah ouais. Et repartir du bon pied avec une énergie nouvelle. Mais il y a pas vraiment une. Pardon, alors j'ai peut-être pas bien écouté, mais juste. Bah c'était cool et on avance. Enfin c'est forcément faire un trait sur le passé quoi. C'est... Non, ils disent tirer les leçons du passé, donc ça peut être des leçons positives. Ouais. Et ils disent avoir une vision plus claire de là où on en est, ça peut être un bon endroit dans sa vie. Vas-y, bah peut-être plus voir. Identifier vos succès, mettez en lumière vos apprentissages, sans oublier décider de ce que vous allez faire ensuite. Ah ok. Alors, commencez par relever le positif. Tu vois, mauvaise langue. Ah oui, non mais c'est moi. Bah oui, au lieu de faire cette gueule là. Alors la question numéro 1. On dirait que j'ai vu la bite à mon daron. Bah, c'est fou quand même. Imagine. Oh là là, slurp, je suis Adrien. Non alors. Conjointement là les deux, la bite de mon daron et slurp, on va pas faire oui, ça. Pardon. Quels ont été les faits marquants de mon année? Quels ont été les faits marquants de ton année, Florent? De 2024 2023 de... Oui. Oui, bah j'ai tourné mon. 2024, ça va être assez court. Ouais, j'ai tourné mon premier film. Je pense que c'est ça le vrai événement marquant. Sachant que la sortie de Vermine a quand même été aussi quelque chose d'assez chouette à vivre, là, dans le professionnel. Et puis en personnel, oh là là, je vais te faire une réponse d'un niveau de clicheton. Mais quoi, mais... Et alors? Non, mais c'est vrai que voir ma fille grandir, j'ai pas d'événement précis. Mais c'est incroyable l'effet que ça fait. Ouais. C'est un événement marquant. C'est sur un toute événement l'année. De toute ta vie en fait. Ouais, quoi. C'est ça. Donc je vais pas en parler chaque année, ça va, on a compris. Ah, c'est mais, un peu quand même. Mais là, il y a important. Des vrais turns. Enfin, tu vois, ça y est, elle parle un peu, elle dit des trucs, elle chante, et tu as été témoin. Sosomanes, la chanson Sosomanes de Sosomanes, en dansant et en chantant dans le rythme. Hein, vraiment, ouais, elle connaît cette chanson. Ouais, elle est... Oui. Et non, mais voilà, donc là, c'est vrai que ça, c'est des trucs où là. Bon, je suis vraiment fou de cette petite personne et ça fait un effet assez fou dans la tête et dans la vie, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est très cliché hein, de dire ça, mais non, mais bien sûr, c'est une évidence. C'est marquant. Mais pour en revenir à mais le film quand même, Charlotte Gainsbourg, pas mal. Non, mais en vrai, c'est quand même fou parce que genre toi, c'est quand même c'est un truc nul à chier que tout le monde dit à tort et à travers. Mon rêve toi, de gosse. C'est rêve de gosse, toi, quand même, bah de oui. faire un film pour de vrai. Ouais. J'ai... Là, c'est... pour une fois, la cabane à branlette avec les avec les magazines de cinéma et tout, c'est vraiment un truc. Bah, ça part de là. Hein. Bah, moi, je t'ai toujours connu avec quand même plus ou moins cet objectif-là, quoi. Donc, c'est... Oui, et puis ce bonheur d'avoir pu faire en plus un film. Avec une liberté totale, sans avoir. Enfin, je l'ai écrit tout seul, je l'ai réalisé tout seul. C'est les deux seuls trucs que j'ai fait tout seul, parce que tout le reste, c'est évidemment un gros travail collectif avec toute une équipe qui a été formidable. C'est-à-dire que pour faire un deuxième film, je prendrais exactement la même équipe, quoi, ce qui est quand même rare. Hein. Enfin, il y a toujours des trucs. On a fait des projets où c'était super, et tu dis, bon, bah, ça, par contre, bon, il faudra qu'on ne prenne pas cette personne, ou que ça, on le fasse différemment. Non, moi, j'ai eu de la chance, j'ai été extrêmement bien entouré, et puis c'est le film que je rêvais de faire, et c'est un film très personnel. Et avec que ce soit au casting ou à l'équipe technique, que des gens dont je suis fan et que j'aime, mais dont je suis fan, quoi. Il y a personne c'est que des gens qui me font profondément rire ou que je trouve extrêmement talentueux. Et ça a été l'un ou l'autre seulement. Ouais, pas les deux. Okay. Aucun des deux. Non, aucun des deux. Ouais. Et je l'ai tourné en Bourgogne, là où j'ai grandi en grande partie. C'est ouf. Et bizarrement, il y a eu ce truc très chouette de. Je sais pas si je suis fait pour ça, mais je suis à l'aise de faire ça. C'est-à-dire que je me suis senti bien sur le plateau. J'étais évidemment stressé avant, etc. Mais une fois que c'était lancé, il y avait un truc pas différent de quand on fait des vidéos Golden ou quand on a fait des trucs. C'est le sentiment que. Bah, moi, je suis arrivé sur le film, c'était déjà bien entamé. Toi, t'es arrivé deuxième semaine, ou troisième semaine. Peut-être. Début de troisième semaine. Début de troisième semaine. Ça faisait deux semaines qu'on tournait. Ouais. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand je t'ai vu sur le plateau, quoi. Je me suis dit, bah, le mec, il est à l'aise. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'était pas une scène facile en plus où vous étiez là. C'était un gros truc. Bah. Ouais. C'était facile dans le sens où moi je suis une machine, donc non, oui. Dès la première prise c'était assez carré. C'était nickel. C'était, bon, c'était un plan séquence, mais on va pas non plus en non, faire. C'est pas ça, c'est pas le dire sujet, beaucoup, mais dire un énorme vrai, plan séquence où c'est que moi qui parle et quasiment. Genre, c'était nailé dès la première prise. non, mais parce qu'il y avait pas que ma scène. Moi je parlais pas. Justement, le moment où j'ai plus pu l'observer, c'était les moments où moi j'étais pas à l'image et je te voyais diriger. Il y avait notamment, pas du tout spoiler, mais il y avait une scène avec Charlotte Gainsbourg et je te voyais, tu vois, je me suis dit, un mec pas à l'aise et tout, au bout de deux prises, t'aurais pu faire, c'est bon, c'est bien et tout, un peu, je me chie dessus. Et tu l'as fait, non pas que, enfin, elle était incroyable, mais oui. Comme toi, tu voulais vraiment être précis dans le truc. Et je me souviens, je me dis, putain, il l'a fait refaire, refaire, refaire, refaire. Et je me disais, putain, c'est trop cool de voir que t'es à l'aise à ce point-là et en sachant ce que tu veux précisément et tout. C'était trop bien, quoi. Mais je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des acteurs qui t'aident à être à l'aise aussi. Hein. C'est-à-dire que... José Garcia qui t'attrape les épaules dès qu'il te croise. Un amour, je l'ai revu là il y a deux jours parce qu'on a fait des vidéos pour l'Alpe d'Huez parce qu'ils peuvent pas venir. Vraiment, tout de suite, c'est « Ah, mon Florent !» Ah, tu es allé le voir, c'est pas un truc qui t'a envoyé Ah non, c'est moi qui l'ai filmé. C'est un truc que j'ai génial, écrit et tout. Trop bien. Il m'a chopé les bras et machin et tout. Non, c'est faut un, savoir que. C'est un allié dans ce genre de truc. C'est un super camarade, José. Mais le truc de t'attraper et tout ça, il faut savoir que, bon, toi, t'as tourné un film entier avec lui. Mais moi, c'était au bout d'une heure de compter sur le plateau. Et que, bon, je pense que je l'avais fait marrer dans ma scène. Et du coup, moi, je gérais un peu. Bon, c'est un peu ce que tu fais souvent sur un plateau, c'est que tu erres un peu en attendant que ce soit à toi de tourner. Et quand on se croisait, il y avait ces scènes très drôles où juste on se croisait en silence et il me faisait il me chopait les épaules comme ça, genre le con. Bah, c'est un enfant qui est content d'être là, quoi. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. En fait, c'est fou. On aura l'occasion d'en reparler, mais après, de toute façon, on passe non, notre temps à répéter. Non, mais cela dit, je suis content qu'on en parle là, d'une, parce que c'est pas tout de suite que le film sort, c'est quand même en avril. Et puis, je vais pas en parler dans tous les podcasts où il y a d'autres invités qui n'ont pas forcément envie de nous entendre déblatérer sur un projet dans lequel ils sont pas. On invitera, évidemment, on va essayer, je sais pas, mais. Des acteurs du film et évidemment que j'aimerais beaucoup faire un épisode avec Charlotte et José, on va tout faire pour, mais c'est vrai que bon, parler comme ça à cœur ouvert film, on n'aura pas mille occasions de le faire. C'est vrai. Ouais. Non, mais moi ce que j'ai trouvé cool, c'était que José Garcia était exactement ce à quoi je m'attendais en rencontrant José Garcia. C'est-à-dire que moi je me souviens de quand j'étais plus jeune, en tout cas, de voir des interviews de lui et tout. Et de ressentir un peu cette vibe de ah, les gars, c'est quand même super d'être là, putain, c'est quand même cool, attends, on n'est pas déconner et tout, machin. Et de voir que, super acteur, hyper sérieux, hyper carré, mais cette vibe de oh putain, attends, très cool, quoi, j'adore, et vraiment chaleureux et tout, et vraiment exactement l'inverse de moi. Mais c'est fou, en tout cas sur mon plateau, t'étais à l'aise vu que c'était sur moi aussi, et du coup, on a quand même bien rigolé. Mais c'est ça qui était mortel d'ailleurs, parce que. Il y a, en fait, je sais pas si c'est une force que j'ai d'être extrêmement pessimiste. Je m'attends toujours au pire, j'ai toujours peur que ce soit une cata. Et j'avais une image, non pas de eux, mais du métier d'acteur, en me disant bon, voilà, peut-être qu'ils seront beaucoup dans leur loge, peut-être qu'on va pas vraiment rigoler, peut-être qu'on avait fait des lectures et ça s'était méga bien passé, mais un tournage, c'était tous les jours avec eux. Et en l'occurrence, José et Charlotte, ils sont, je pense, dans tous les plans du film. C'est comme partir en vacances avec quelqu'un, quoi. C'est ça. C'est genre, c'est un pote, mais est-ce que je partirai en vacances avec lui? Peut-être pas. Ou en plus, c'est moi qui dirige, c'est moi qui. Enfin, on a des scènes. Voilà, il va se passer des choses, quoi. Et non, ils ont été des camarades extraordinaires. Parce que même quand tu parles de Charlotte, à qui j'ai fait faire plein de trucs, c'est parce que tout de suite, elle m'a mis à l'aise avec ça, en me disant, mais dis-moi, t'inquiète. C'est ça qui était trop bien aussi, c'était qu'il n'y avait pas du tout de leur côté d'ego, de c'est un mec, c'est son premier film, moi je. Charlotte, c'est son premier, à part évidemment le film de Yvan Attal, mais ils étaient déjà ensemble depuis des années, mais c'est mon premier film. Enfin, c'est la première fois qu'elle joue dans un premier film. Donc, c'est une confiance folle. Elle a quasiment jamais joué dans des premiers films de réalisateur. Et sachant que l'autre, c'était son mari. C'est ça. Et j'ai 31 ans au moment du tournage, quoi. Donc c'est voilà, une marque de confiance géniale. C'est fou, c'est génial. Mais ça m'a aussi beaucoup aidé, je dois le dire, d'avoir toi, Adrien, évidemment, mais d'avoir plein. Le premier jour de tournage, il y avait Jérôme Niel. Ouais. Et en fait, tout de suite, du coup. Oui, on faisait du cinéma, oui, on faisait des films et tout, mais... Tu retrouvais un peu la vibe des sketchs de l'époque. Et tout de suite, en fait, Jérôme, Charlotte, mais c'est aussi le cas des deux ados qui jouent dans le film, Lily et Adrien, ils trouvaient l'ambiance trop cool, quoi. Enfin, tu vois, tu dis, c'est trop ça bien. Bosse, mais ça rigole, ça teste des trucs. Et surtout, ils se sont très vite rendu compte que quand un truc... je pense que ce qui fait le plus peur à un acteur, c'est quand lui trouve que ça marche pas trop et que le réel dit « Ok, c'est top, c'est bon, j'ai ouais, exactement ce qu'il faut. Oui, » Et oui, des fois, sûr. L'acteur a tort. Ça arrive, il a pas le recul, etc. Moi, je pense qu'il a souvent raison. Parce que je pense qu'un acteur, il a un instinct qui est que tu peux... tu peux te planter au tournage et sauver au montage. Enfin, il y a plein de façons de faire. Je pense que l'instinct de l'acteur, si lui il se dit ah merde, je crois que ça merdouille, ouais. Je trouve ça dommage de lui dire non, non, t'inquiète, on avance. D'accord. En fait, je trouve pas que ce soit une question d'avoir raison ou pas. Ouais. Je trouve que c'est une question de si t'es réal, pour moi, ton taf, c'est de tenir compte de, oui. de du fait que l'acteur dit moi je trouve que ça marche pas parce ouais. que parce que c'est pas juste ta vision. Il faut garder des œillères. C'est genre composé avec le côté humain de la personne, et si et la personne elle dit moi je suis pas à l'aise avec ça, de dire ah bah trouvons un truc qui nous correspond à tous les deux. Je trouve que c'est plus ça le taf du réal que d'imposer une vision, tu vois. Bien sûr, et moi je demande beaucoup aux acteurs, et on a fait, tu l'as fait aussi d'ailleurs cette réunion, j'ai fait des réunions avec eux, avec tous les comédiens, parfois juste en seul à seul, pour réécrire ensemble en fait. On jouait la scène quand il y avait des idées, des trucs, et tous les comédiens qui sont venus jouer des petites partoches ça et là. Tous, ils ont ramené des vannes dans le film qui marchent trop bien, mais je vous le dis, elles sont pas de moi, elles sont de eux, quoi. Et j'ai aucun ego là-dessus. Moi, ce que j'écris, le scénario, c'est pour donner une direction. Et si tu commences à dire non, c'est mes mots, c'est machin, enfin, tu vois, il y a écrit dans le générique, c'est écrit réalisé par Florent Bernard. Bon, bah, c'est bon, mon ego, il est rempli, hein, tout va bien. Je raconte l'histoire de mes parents et de moi. mais par contre, il faut prendre toutes les voilà. Toutes les forces des gens. Moi, en je trouve place, ça hein. trop bien que t'aies fait ça, quoi. Parce qu'en plus, il y en a beaucoup des seconds rôles dans ton film. Ouais. Donc, c'était un taf, j'imagine. Enfin, nous, on a passé du temps. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je trouve que cette scène, enfin, je la trouve trop bien. C'est qu'on l'a, enfin, on l'a pas écrit à deux, mais on l'a réécrit à deux. Ensemble, ouais, ce qui sentait mieux. Et je trouve que ça se sent. Enfin, ouais. Et puis, du coup, bah. Moi, j'étais plus à l'aise. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de réals qui tolèrent ça sur le. Comment dire, ça se fait sur le plateau, tu vois. Ouais. Genre, tu vas le voir, tu fais attends, est-ce que je pourrais pas plutôt dire ça et tout. Mais tu sais, c'est toujours un peu. Bon, après, tous les réals n'ont pas forcément le temps. C'est de, ça, de moi, le faire moi avant, je l'ai aussi beaucoup fait en amont, déjà pour avoir le temps d'y réfléchir. Et aussi parce que je me disais, bon, bah voilà, je sais pas, c'est mon premier film, ça se trouve. Moi, j'avais. Ma grande peur, c'était ok, sur Internet, on se met très vite en place. J'avais peur qu'au cinéma, c'est une machinerie plus lourde, il y a plus de gens, c'est plus gros, que les mises en place prennent plus de temps et qu'on ait moins de temps pour le jeu, et donc du coup j'étais content qu'on réécrive avant. Bon, le fait est que mon directeur photo étant un tueur à gages, Julien Hirsch, un véritable tueur, par contre, malheureusement, je suis en train de le cancel en direct. Il a tué quelqu'un sur le plateau. Mais sous contrat, c'est un véritable tueur. Il a essayé de me poignarder, il a pénétré dans ma chambre d'hôtel et il a. Mais bon, après, il fait des belles lumières et des beaux cadres. Voilà, moi j'avais mis des coussins sous la couverture et il a malheureusement. Oui, j'ai dormi dans la baignoire. Ouais. C'est comme ça que je m'en suis sorti. T'es pas à ton premier rodéo non plus. Bien sûr, attends. Plusieurs fois de t'assassiner. Et donc, oui, il était trop fort, Julien, et son équipe, bien sûr, tous les gars de Mad Grip et tout, je les embrasse. Et du coup, voilà, il s'installait très très très vite et on avait le temps. On avait le temps. Ah bah, moi, c'est ça qui m'a choqué même. Enfin, on avait plus le temps que chez Golden, hein, parce qu'on avait. Mais Golden, c'était le summum de. Il n'y a pas le temps. Oui, oui. Mais même moi, bon, c'est aussi parce que je suis un acteur de seconde zone. Mais non, mais c'est la vérité. Mais je veux dire, moi, les tournages que je fais, c'est des trucs où il n'y a pas de thune et qui dit. Enfin, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Mais s'il n'y a pas de thune, il n'y a pas de temps. Ouais. Et parce que bah, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, genre, en gros, si tu n'as pas de thune, tu dis bah, on loue le lieu pour deux jours. Enfin, ouais. Non, il n'y a pas de thune, on loue pour une journée. Ouais, ok, bah, donc faut tout rentrer sur une journée. Donc tu n'as pas le temps de faire plusieurs prises. C'est ça. Et donc, moi, j'ai fait plein de tournages où j'avais. Peut-être deux prises maximum par scène, ce qui est vraiment très très court. Mais aussi, des fois, c'est des problèmes. Hein. Nous, on a eu la chance de beaucoup se préparer avant. Hein. C'est ça aussi. Tu vois, je parlais des lectures, mais on a tout prédécoupé le film avec Julien en se disant que potentiellement on pouvait improviser si des trucs nous sentaient. Voilà, si on sentait qu'il y avait des idées. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, on a un petit budget en vérité par rapport aux comédies qui se font en France. On est une petite comédie indé, même si y a un très beau cast et tout. Par rapport à plein de films qui sortent, on n'est pas si cher. Pour un premier film, par contre, je suis très bien, attention. Hein. J'ai tourné gratos, moi. C'est peut-être le point noir. Oui, mais tu sais, c'est d'abord l'exposition que tu vas avoir avec ce film, c'est fou. Hein. Tu viens à l'Alpe d'Huez, hein, je te rappelle. Ouais, hein, ça, donc, c'est stylé. D'ailleurs, si vous êtes du côté de l'Alpe d'Huez, venez. Ah, bah, venez parce voir que le si film. Vous écoutez lundi, là, c'est demain. Bah, dépêchez-vous, par contre. Ouais, ouais. Mais, bah, si vous êtes dans le coin, venez. Si vous êtes dans le coin, c'est mardi soir. Venez voir le film. Bah, c'est méga avant-première. Il y a eu d'autres projections. C'était plutôt mais... des projets tests, hein, les autres projections. Okay, okay, le film n'était pas tout à fait fini de mixer, toutes les musiques n'étaient pas définies. Là, c'est version finale. C'est fini, là, oh là là, le plaisir, mais vous rendez compte de la chance que vous avez. Non, mais donc ouais, voilà, moi je suis trop content. On va pas trop en parler parce que je, voilà, on va pas me faire monter une attente alors, trop. Parlons-en parce que moi je n'ai aucun accomplissement. Donc tu peux. Oh, en 2023. Non, non, très marquant. Non, je peux. Oh, quand même, t'as bossé sur plein de trucs et tout. Oui, oui, oui. Bah non, mais moi. T'as joué dans un super film. Revenons à moi. Ah, attendez, excusez-moi. Ah, je crois que. Attendez, excusez-moi. Pardon, j'ai un coup de fil. Allô. Oui. Ah, allô, Clara. Oui. Oui. T'es en direct du podcast. Wouh, bravo tout le monde. Ouais, c'est... salut Clara. Eh, c'est quoi ton podcast préféré? Le podcast. Ouais, t'as gagné 5 000 euros. Ouais, ton poids en loyer. Bon, n'importe quoi. Clara, on parlait d'Hugo Décrypte avec Adrien. Ouais. Et on avait une question. Calme-toi, tout va bien, il y a pas de. Est-ce que il valide lui-même les mèmes à la fin des slides sur Instagram? C'est une question capitale. Oh, c'est rien. Une bonne question. Mais t'en sais rien, Clara. Je dirais que oui, mais. Tu peux vérifier l'info, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire remonter à Squeezie? Comment? Tu veux vraiment que je vérifie l'info? Non, j'ai un peu honte. Non, t'es assez occupé. Non, t'as un vrai métier. Rappelons que tu sors un documentaire quand même sur Squeezie qui sort. Là, il sort quand d'ailleurs, Clara? Sort le 19 janvier. 19 sur Amazon Prime. Je le savais, c'était pour les auditeurs. Hein. Jamais alors, j'aurais demandé. Je me permets, on dit Prime Vidéo, on dit pas Amazon Prime. Oui, s'il te plaît, Clara, bosse un peu. C'est vrai. Ouais. Ouais. 19 janvier, merci Prime Internet, qui est le documentaire de Théodore Bonnet sur Squeezie que tu as produit. Exactement, très avec Media One, encore pour une folle des Media One. Mais attendez, là vous allez juste mettre ce passage là où je vous donne aucune réponse de ce que vous voulez. Eh oui. Ouais, oui. T'as été super, Clara. C'est horrible. Mais non, t'as été top. Bah, vous en discuterez en privé du montage. Mais si jamais à un moment tu croises Hugo, demande-lui quand même. Mais est-ce que tu veux que je demande vraiment? Oui, demande-lui s'il te plaît. Vas-y, je l'appelle. Merci, Clara. Merci beaucoup. J'adore. Merci. Oh, ah non, mais attendez, vous croyez que le podcast 2024, on vérifie toutes nos sources? Mais là, c'est nous qui décryptons là. On est en train de décrypter Hugo Décrypte. Oh là là là là. Oh là. Du coup, ça s'annule et on crypte en fait. Le titre de l'épisode sera Floodcast Crypt. Conte de la crypte. Oh, à toi. Oh, y a pas eu les contes de la décrypte avec un montage avec Hugo en zombie? Alors non, pour une raison toute simple. Deux rêves très éloignés l'une de l'autre. Une série des années 80. Oui, c'est vrai. Les gens connaissent pas, tu crois? Ouais, c'est très un vieux. Un petit peu. Très vieux. Non, mais revenons sur ton film de seconde. Oui. Parce que j'en suis ravi. Non, mais. Là, au moment où on enregistre, tu viens de diffuser l'affiche. L'affiche vient de sortir. Que je trouve super, moi, d'ailleurs. Ah, merci, on a taffé. Il y a une personne qui a commenté pas ouf le Photoshop, et j'espère que c'était une blague, parce que sinon, je vais te retrouver, tu m'entends? J'ai assez d'infos, je suis allé voir ton compte, j'ai assez d'infos. Je vous rappelle que Yorker, c'est Adrien. Slurp. Ah ouais, mais c'est devenu Yorker. Ah ouais, Yorker. Non, mais je la trouve super, parce que. Bah, en plus, non, mais en vrai. Parce toi, t'as vu le film, faut le dire aux gens. T'as vu le film, mais t'as vu. Déjà, t'as pas fait le truc de le fond bleu avec la typo jaune de comédie, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais je trouve qu'elle est. Elle est tout à fait. Elle représente bien le mood du film, quoi. Je trouve aussi. Marrant, mais en même temps touchant, et c'est pas de la grosse comédie, mais c'est marrant. Mais c'est quand même une comédie populaire, parce que c'est pas un gros mot. Ouais, et je tiens à dire, on a vraiment que je dis que tout le monde est super, mais c'est le cas pour le moment. Après, quand le film fera 20 entrées, peut-être on en reparlera. Mercure n'est pas rétrograde, mais profitant. Mais que le distributeur, tous les gens d'Apollo, de TF1, de machin, personne n'a été chiant sur ce truc. Personne n'a dit, oh là là, doigt d'honneur, là quand même. Nanana. Vraiment, tout le monde m'a suivi à fond sur cette idée, puisque très vite je voulais que ce soit ça l'affiche, parce que c'est une scène du film, disons. Oui. Et vraiment, ils ont suivi à donf. Et il y a eu évidemment des petits trucs de comment on met les choses, mais honnêtement, j'ai été écouté sur absolument tout, donc voilà, c'est trop cool quoi. D'ailleurs, quelqu'un dans les commentaires disait: ah, je me demande ce que c'est la signification de ce doigt. C'est dans le film. Oh, allez voir le film, c'est dans le film, justement. T'es en train de teaser ou je rêve? Mais je tease, mais attends, mais moi je suis dans le milieu, moi, du cinoche. Oui, hein. Je suis un gars du cinoche. T'es un gars du cinoche. Moi, il y a eu le fait marquant, il y a eu la sortie de Anti-Gang La Relève en 2023. Ça, c'était très cool. Et puis. Dans un rôle surprenant. Un rôle surprenant dans lequel on m'attend pas. Alors après, c'est un peu. En vrai, je m'attendais à ce que mon rôle, tel qu'on me l'avait présenté, soit plus genre comic relief, tu vois. Oui, t'as pas tant de comédie. En vrai, y a la scène du pont, oui, où je suis un peu ridicule et bon, je me suis régalé. D'ailleurs, pour l'anecdote. Je me suis régalé. Pour l'anecdote, ça aurait été marrant qu'il y ait Alban Je l'appelle pas par contre, je le connais pas. Non, ouais, non, non. Non, non, mais en gros, on était, bah, pour, si vous avez vu le film, vous voyez de quelle scène on parle. On est sur un pont et bon, moi j'étais, bon, mini spoiler si vous avez pas vu le film, mais moi j'étais suspendu dans le vide avec des câbles qui étaient accrochés à une grue. Et donc voilà, je suis au bord, bon, je suis en sécurité et tout ça. Et en, oui, et en plus, j'avais pas peur. Ah, ça c'est un truc de 2023, mais je ton trouillomètre, il était à 3, 4, 5. Il était à 0. Ah, 0, ah, 0. Oui, donc c'est en nul, quoi. Il y a vraiment ni une ni deux chez Oshia Barrière. T'étais très chiffre à ce moment-là. Ouais, ouais. Non, non, non, mais. Et en fait, il y avait bah, juste de l'autre côté du trottoir des apparts, quoi. Ouais. Et avec une rue très étroite, quoi. Et donc, on fait moteur, machin. Et il y a un gars qui est avec des sacs de course et qui va. Il est sur le pas de sa. Enfin, il est devant sa porte. Et il est arrêté comme ça, il nous regarde. Mais sauf qu'il est dans le champ, le mec. Il ah est oui. dans, à l'image. Ouais. Et donc les gens lui disent excusez-moi, monsieur, on va tourner et tout. Et le mec, il fait oui, oui, oui, oui, bah. Et donc on fait non, non, mais en fait, là, vous êtes à l'image, monsieur. Et moi, je suis dans le vide. Et le mec, il fait oui, bah. Oui, je suis chez moi, donc. Oh là là. Et donc, c'est fait. Donc les gens disent non, mais monsieur, s'il vous plaît, et tout. Et le mec il dit non mais je connais le cinéma hein, donc et donc là il y a Alban Le Noir, il lui dit ah bah non non justement justement les rôles ont été inversés parce que le il dit ah bah vous le respectez pas beaucoup le cinéma monsieur si apparemment ouais. même si vous le connaissez et tout, le mec s'en branle. Il dit non mais en fait je suis chez moi et tout. Et là j'ai fait mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre putain. Et bon, le mec s'en branlait complètement. Et ce qui est drôle, c'est que il y avait un mec qui était là, un mec très sympa d'ailleurs, qui était là pour un peu être agent de sécurité sur le tournage. Je crois pour Alban, qui est un peu la star du film, je bah, crois. Et puis donc qui mérite d'être mis en sécurité, s'il sait pas se battre. Ouais, voilà. Bah, moi, je lui ai donné quelques conseils, mais. Bah oui, voilà. Ah, j'ai une autre anecdote d'ailleurs. Mais et donc et. Je vois le mec qui vraiment fonce sur le gars d'une démarche assez vive et tout. Et je dis, oh putain, il va lui faire une clé de bras. Et donc, il y a vraiment quelqu'un qui a dit, non, non, mais c'est bon, t'inquiète. Et finalement, le mec est rentré, on a okay. tourné la scène. Mais vraiment, géré. Un énorme connard. Voilà, je sais pas s'il écoute le podcast, ce mec. Mais pure souvent, merde. Hein, nous, on en a eu aussi sur les Leroy. Il y a un truc. En fait, je me demande si c'est pas le truc. Vous croyez que vous avez tourné à Paris, vous? Ah ouais, ouais. Ah oui, donc non, il y a même pas l'excuse. Moi, j'avais l'impression de. Eh oh les parigots là avec vos grosses caméras, vous faites casser ah ouais, les non, couilles. Non, ah, attendez, on peut marcher non? Sachant oui. que nous on était en plein des manifestations des retraites, donc en vrai, oui. on voulait même pas faire chier les gens. Ben, on disait, non, moi, quand j'étais là, on a déjeuné au milieu d'une manif. Au milieu d'une manif. Il y avait l'espèce de barnum pour les gens qui savent pas. Souvent dans les sur les tournages, il y a les tentes comme pendant les mariages là, ouais. qui sont mises en place et on déjeune là-dedans. Et elle avait été mise. La tente sur une place ouais. de Dijon sur laquelle il y avait une manif. Manif s'est organisée. Il y a hein. eu des vagues de lacrymo qui sont qui a, okay. donc voilà, c'était vraiment en plein ouais. plein pendant les manifs. Ouais. Et non, et l'autre anecdote que j'ai sur sur Antigang la relève, c'est le je pense que c'était un des premiers jours de peut-être pas l'un des bon, peu importe, vraiment au début du tournage. C'était un des premiers jours parce que du coup personne ne me connaissait. Et donc il faut savoir que parmi la team des méchants du film, donc dont je fais partie, je suis le seul qui ne sait pas se battre, ne sait pas faire de cascade, n'a pas de muscles. Vraiment, tous les autres, c'est des hommes et femmes, sont ouais. des tueurs quoi. Ils savent se battre, ils sont ultra musclés et tout. Il y a une super baston avec Stéphie Sema et Jean Toussaint et qui se bat contre, donc je connais pas le monsieur, mais qui se bat contre un des gars de ton Charles, équipe, je crois. Ouais, et tu sens que ça tape et lui il est costaud quand lui même. Il est costaud. Ouais. Il y a le truc super de quand Jean Toussaint essaie de lui mettre un coup de latte et qu'il ouais. tombe comme une grosse merde. Ça, c'est très très cool. Non mais je pensais ouais. aussi genre les meufs, genre il y a Maggie Berchel qui est l'ancienne numéro 1 de MMA en France. Ah ouais, putain, puis quel charisme elle, c'est ouf. Ouais, ouais. Un truc de pour son premier film. Hein. Ouais. Et il y a Tevi qui est donc une autre meuf dans la team des méchants qui elle est prof de kickboxing je crois, de MMA. D'accord. Et tout, enfin genre vraiment qui savent très bien se battre. Il y a Jonas Dinal qui joue dans Un stupéfiant Noël. Ah oui, bien sûr. Voilà, extrêmement grand, musclé et adorable. Okay. Et donc que des gens ultra, sauf moi, j'étais le seul. Et du coup un des premiers jours, je sais plus, je crois que c'est, enfin, je me présente à je crois une maquilleuse et parce qu'il me connaissait pas, enfin tu vois, j'arrive et je dis elle me dit t'es un des comédiens et tout, et je dis non moi je suis le coach de MMA de non je suis le coach de Street Fight de d'Alban parce que en fait comme il a une façon de se battre très comment dire très ah tu l'avais sorti plus direct quand même à la meuf non comme ça c'est ça qui est elle a dit oui non c'est bon je l'ai oui tu fais une blague, t'es en train de faire une blague là, en fait tu cherches tes mots, c'est non, terrible non mais peut-être pas imagine attends oh, sauf je suis Adrien là, regardez-moi ah putain voilà, académique c'est ce que je voulais dire, je dis non mais voilà comme Alban il a une façon de il a appris les combats, le combat de façon très académique, moi je suis là pour lui apprendre des trucs et tout, donc la meuf rigole évidemment, c'était une blague, c'est vrai. Et donc le tournage a duré assez longtemps et un des derniers jours de tournage, je discutais avec donc Tevi, qui est donc une prof de MMA, prof de... et on discute et tout, et elle me dit « Ouais, mais toi, tu... Enfin, de toute façon, toi, tu fais des sports de combat et tout. » Je fais « Quoi ? Pas du tout. » J'ai vu Frank Kim, là. Je dis « Quoi ? Mais non, pas du tout. » Elle me fait « T'avais dit que t'étais le coach d'Alban et tout. » Ah ouais. Et je fais, putain, mais à la fin du tournage, elle t'a dit. Ça veut dire qu'elle a passé tout le tournage en disant « Lui cache bien son jeu, ouais. Mais un coach de Street Fight. » Et donc moi j'ai rigolé, je lui ai dit bah attends tu m'as vu, et elle a dit ah oh, bah il y en a des fois ils ressemblent à rien, cachent bien leur jeu et tout, je fais bon allez ah, c'est bon à rien. Non je crois qu'elle ah, a pas dit drôle, ça, elle a dit ah tu sais il y en a qui cachent bien leur jeu parfois et tout, ouais. Donc, Charlotte m'a fait une face comme ça où je parle d'un truc je sais pas quoi, elle a dit avec ton gros nez là. Bah quoi mollo là. Quel rapport. Et je sais plus quoi, je dis ouais je suis content, je dis un truc genre je suis content quand même, premier film à 31 ans, c'est cool. Elle me dit t'as 31 ans? Bah oui, elle fait, oh, je pensais 42. Je fais, non, c'est, non c'est vraiment 10 de plus, Charlotte. Va falloir c'est mon âge. Ah, mais c'est horrible de le dire en plus. Mais en vrai, je pense mais c'est que. C'est son super pouvoir. Je pense qu'elle dit des trucs et que vu que c'est Charlotte Gainsbourg, c'est ok. Non, mais je pense que la façon dont elle le disait, c'était t'as l'air tellement bon que je pensais que t'avais beaucoup non, de. Non, avec hyper... ta sale gueule, elle a dit à la fin. Ah, avec okay, ta sale gueule de vieillard, elle m'a dit. Ton gros nez de galabru, là. J'ai cru que t'avais 42 ans. D'accord. Ah, c'est... Et après, non, elle a quitté le plateau en une semaine. Donc, c'est pour vous dire, c'était pas. Ça a foutu vraiment le film dans la merde. En l'air, bah, y a pas de fin. Quand vous allez le voir, il manque la fin. Y a beaucoup de scènes où elle est juste de dos parce que c'est une doublure. C'est une doublure. C'est moi avec une perruque. J'allais dire. J'ai fait mes heures d'intermittence grâce à ça. Si vous voyez que la doublure fait un peu de prise de karaté, c'est Adrien. Ça fait que c'est Adrien. Il a pas pu s'en empêcher. Non, voilà. Mais en vrai, moi, c'est, tu sais, moi tous les ans, je l'ai pas encore fait parce que j'ai pris du retard justement à cause du travail. Mais je fais ma petite vidéo récap que bien tu sûr, as faite d'ailleurs. Que toi, moi, quand moi j'oublie de filmer tous les jours, je ne fais pas une seconde par jour. Mais je fais une petite vidéo récap de l'année. Et un des trucs cool de faire cette vidéo que je redécouvre à chaque fois, parce que comme je dis, je n'apprends pas de mes erreurs et des événements de ma vie. Mais c'est que je me dis putain c'était vraiment une année de merde et tout. Et en fait en faisant la sélection de vidéos de tous les trucs, enfin de l'année quoi, je me dis ah putain c'est vrai qu'il y avait ça bah cette ouais. année. Ah c'est vrai qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Et je me dis ah pas si mal. Pas si mal, pas si mal, pas si mal, pas si mal. Moi il y a un truc qui m'a un peu déprimé cette année. Ouais. Enfin dans le recap, hein, dans le truc de recap, c'est que bah, c'est vrai que bah, un jour est une seconde, hein, c'est le concept. Ouais. Et du coup tu sais, je sais pas pourquoi, parce que je le sais depuis longtemps, ça fait 5-6 ans que je fais ça. Et je me dis, putain, cette année, ça va avoir de la gueule quand même. Je tourne un film et tout, putain, les secondes par jour, là. Oui, bah, c'est 20 secondes, du coup, parce que c'est un film, c'est 20 jours, bah, tu oui. vois. Bah, alors, bien, je fais, ah, cool, c'est au début, et après, bon, bah, vous allez voir ma fille beaucoup, sachez-le. Ah, vous allez oui, beaucoup, oui. beaucoup voir ma fille de dos. Bah, tu sais que moi, je mais me... cela dit, c'est mon année, hein. Enfin, moi, je trouve bah, ça, c'est ça qui est génial oui, à chaque oui. fois. Concept que j'avais repris de Pierre Lapin, qu'il avait lui-même repris de d'autres contes, mais c'est vrai qu'il y a un truc assez chouette, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, tu vas voir, c'est fou. Des fois, tu filmes des trucs qui vont avoir un écho avec plus tard, ouais, etc. Ouais. Et ça, c'est très, très vrai. Chinoche. Non, mais c'est vrai que des fois, tu ouais, il y a des choses qui se répondent et tout, pas prévues. Et c'est assez rigolo, quoi. Donc, mais sinon, non, moi, quand même, je tiens à le dire vite fait. Je sais pas si on reviendra dessus, donc je le dis maintenant. Vas-y. Un des gros trucs marquants de 2023, c'est quand même la sortie de Vermine. Alors, c'est pas bah, fini, hein, ouais, là, ouais. Les gens continuent. Mais un accueil que j'avais jamais vraiment vécu. Pardon, je fais une parenthèse, mais juste parce que je regarde là mes vidéos que j'ai sélectionnées pour le récap 2023 et il y a Mister V qui pète dans un micro. Bien sûr. Bah une. En fait, ça a lancé l'année du podcast. En plus, ça qui est beau, c'est que c'était la première épisode. Non, Vermine, quand même, vous remercier. Enfin, remercier les gens qui sont allés voir, qui m'ont envoyé des messages, parce que c'est la première fois que je reçois autant de messages d'un truc que j'ai fait. C'est-à-dire que La Flamme a été un gros succès, Jack Mimoun c'était cool aussi, j'ai reçu des messages machin, mais Vermine qui en comparaison a fait moins d'entrées que Jack Mimoun, ce qui est normal, hein, c'est pas les mêmes budgets, et je pense ça a moins impacté sur le moment que La Flamme par exemple que quand c'est sorti quoi. Bah j'ai reçu beaucoup de messages, vraiment plus que, parce qu'au début moi j'essaie de répondre quand les gens font un espèce d'effort pour aller voir un truc que j'ai fait ou payer un DVD machin, je réponds pas à tout le monde, mais sur ces choses là j'essaie de répondre à tout le monde parce que je trouve qu'il y a vraiment un effort de fait et que c'est la moindre des choses de dire au moins merci. Mais là des fois je pouvais pas quoi, il y avait vraiment beaucoup de messages, et donc merci aux gens qui sont déplacés. Le film est un joli succès, il est pas loin de 200 000 entrées à l'heure où on parle, ce qui est beaucoup pour un film d'horreur français sorti pendant les fêtes de Noël et tout, enfin, c'est trop chouette. Et j'ai senti un vrai plaisir de spectateur, de public, de putain c'est cool que ce genre de film existe. Ouais. Et vu que c'était le truc qu'on espérait faire avec Seb, bah on est trop content quoi. Voilà, on va pas s'auto-congratuler Milan, mais sachez en tout cas aussi, que ça fait plaisir. Oui c'est vrai, j'ai assez dit que je me branlais dans une cabane pour de temps en temps dire regardez je fais des films. Et quand même j'adore la comédie, et il y a d'ailleurs beaucoup de comédie en Vermine. Mais le cinéma de genre horrifique, il y a quand même un truc où tu te dis putain, c'est un effet chez les gens qui est quand même coolos quoi. Ouais. Et donc voilà, merci d'être allé le voir, merci d'avoir envoyé des messages pour te dire des gentils mots et d'avoir fait le déplacement. Et voilà, j'espère que vous serez au moins aussi nombreux pour les Leroy si ce n'est plus, parce que ça fait trop plaisir et que c'était trop cool quoi. J'avais jamais su. Plus parce que les Leroy, je suis dedans. Si je peux me permettre. J'ai adoré Vermine. Le point noir pour moi, c'est que je suis pas dedans. Alors que. Pardon, mais dans le rôle du raciste. Ouais, t'aurais été. Excusez-moi, je me rase le crâne pourquoi en fait. Je me fais pas cette gueule de raciste pour qu'on me donne pas des rôles de raciste, putain. Non, mais après, dans les Leroy, on peut dire que t'es raciste si tu veux. C'est pas dans le scénario, mais on peut se l'imaginer si tu veux. Ouais. Non, les gens peuvent leur faire leur petite histoire. Ouais, bah déjà, par Tozer, je pense que beaucoup de gens vont se le dire, malheureusement. Ça me colle à la peau un peu ça. Voilà, non, j'oublie sans doute des. Enfin, non, en vrai, événement marquant 2023. Bah, le podcast personnel. Ouais. Bah, il n'y a pas eu. En vrai, l'an dernier, l'année d'avant, il y avait eu la tournée, mais là. Non, mais le podcast a rarement fait autant d'audience que cette année. Voilà, donc faut dire que c'est quand même rare au bout de 9 ans, tu vois, d'avoir de plus j'avoue en plus d'auditeurs. Cool. Et effectivement, même des invités. D'autres sphères, voilà, des gens comme on a déjà eu, hein, il y avait eu Pierre Ninet, il y avait là, mais Pio Marmaille, on le connaissait pas. Souvent, les invités, on les connaît d'avant, et là, cette année, ça a été un peu notre première année où on s'est dit, allez, vas-y, c'est trop con, des gens nous demandent maintenant, des gens, des distributeurs de films nous disent. On peut dire que c'est grâce à ça qu'on a eu Pio Marmaille et tout, c'est parce que. Vidor, tout ça, voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus de demandes d'interviews et tout, et d'ailleurs, on en refuse aussi, enfin, quand on trouve que c'est pas. Oui. Dans l'ADN du truc, ou que c'est des gens. Bah, juste dit, des gens qu'on connaît pas et on se dit, bah, ouais, c'est un peu bizarre. Enfin, on connaît pas leur travail, je veux dire. Ni eux, ni leur travail. Enfin, ouais, tu vois, on sait. Enfin. On va pas faire des études de tu vois pour et puis il y a des moods où on le sent quoi. Pio Marmaille, on savait que ça allait fitter plutôt pas mal, donc voilà. Alors, ça a dépassé toutes mes espérances. Vraiment une très très belle surprise. L'épisode avec Géraldine et Vincent Denienne, qui était incroyable, qui est un des qu'on me rapporte comme épisode préféré de il y a plusieurs personnes qui m'ont dit c'est mon épisode préféré quoi. Non c'est cool. Et oui. Ça fait plaisir. Non, voilà, fait marquant. Non, je pense que bah oui, bon, c'est le Cinoche quoi. On est des gars du Cinoche, j'ai l'impression. Mais ça, alors tiens, pareil, pardon, je fais des. Bon, après, c'est l'épisode où on est que tous les deux, écoute, on parle beaucoup. Oui. Voilà. pareil là, donc c'est vraiment, ça vient de sortir l'affiche, donc c'est très neuf ce que je viens de ressentir. Beaucoup de messages de gens, parmi les messages super gentils que j'ai reçus sur la sortie de l'affiche, de gens qui disent ah, c'est trop bizarre, je suis fier pour quelqu'un que je connais pas. Cela dit, ce que tu dis, c'est quand même l'occasion de dire, parce que souvent, tu vois, je dis ah, les gens, ils m'ont envoyé Black Mirror, nanana. Et il faut quand même dire que on mesure la chance qu'on a d'avoir quand même. Évidemment, l'écrasante majorité des interactions qu'on a avec les gens, c'est ultra agréable et c'est vraiment. Enfin, on a des. Les gens qui écoutent le Floodcast, c'est un peu ce que dit. Tranier dans le petit documentaire qu'on a sorti où il dit la définition des fans hardcore machin etc. mais c'est même pas dans le côté relou fan de Kaamelott, on est plus sur non mais il y a un côté genre des gens qui sont juste contents pour nous quoi alors qu'ils nous connaissent pas et c'est trop cool, donc évidemment que le sentiment dominant, c'est de mesurer la chance qu'on a déjà d'avoir toujours des gens qui nous écoutent après 9 ans, même apparemment de plus en plus. Ouais. Mais rien que ça, juste de durer encore après presque 10 ans, c'est fou quoi. Bah ouais. Et de continuer nous à kiffer et que les gens continuent à kiffer, c'est déjà une chance incroyable. Et en plus, bah, les gens sont ultra sympas. Donc il faut quand même le dire. Parce ah que non, mais c'est clair. Le personnage de Gérard et tout. Oui, c'est un personnage. Non, mais c'est évidemment. De toute façon, quand je me plains en story, ça. C'est ce que les gens préfèrent. C'est même pas une impression. Oui. Ils me le disent. Ah, oui. Même toi, dans le podcast avec Pierre Lapin, où tu dis c'est comme ça que je le préfère. Les gens, même quand je suis en souffrance. Bon. Non, ce que je préfère, c'est quand tu hurles. Et tu le sais très bien. Quand je hurle. C'est quand la colère te pousse au hurlement. Et tu auras remarqué que même quand t'es pas en colère, juste hurler, ça fait un plaisir. Bien sûr. C'est pour ça que moi, chaque tournage que je fais, j'essaye de. D'ailleurs. Il y a un petit hurlement dans Nouvel Roi. Il y a un hurlement dans Nouvel Roi, comme il y a un hurlement d'Adrien dans quasiment tout ce que j'ai écrit pour lui. Ouais, depuis le sketch Je t'aime, chocolat et moustache, il hurle à peu près dans tout ce que je fais. Vrai. Et moi, sur les tournages où je suis, j'essaie de caler un petit hurlement si je peux. Autant vous dire que les planètes sont alignées. Mercure, la communicante, et Jupiter, planète de l'amour. Là, était tous. L'amour de la. L'amour du hurlement, mais rien n'est laissé au hasard. Bon. Comment ma vie, parce qu'on en est qu'à la deuxième question. Donc bon, après, on n'est pas obligé de. Bon, de, puis de... ma fille, va falloir aller chercher à la crèche dans une petite demi-heure. Donc bon, alors on va aller vite, de toute façon, tout va bien. Non, mais tu vois, en plus, il y a vraiment de la redite. Tu vois, genre la question 3, c'est quels sont mes 3 plus beaux moments ? Bon, bah, on l'a dit plus ou moins. On en a même pas dit 3. Bon. Non, comment ma vie a-t-elle changé ces 12 derniers mois ? Oh. Moi, pour le pire, hélas, mais. Ah oui, non, vraiment. Non, mais. Moi, il y a un truc. Moi, quand je te vois, je vois un roller coaster. C'est-à-dire que je vois que ça monte, des fois ça redescend, des fois ça remonte. Quand on me demande comment il va Adrien en ce moment. Bah oui. C'est terrible. Plutôt que le demander à toi directement. C'est terrible. Bah, sinon, invite-le à boire un verre. Je vais me taper. On sait pas sur qui on va tomber. Non, mais les gens ne m'appellent pas à 20h le soir en disant oh là, comment va Adrien. J'ai vu la story d'Adrien, comment il va là. Non, ils me disent juste voilà comment il va en ce moment. C'est vrai que je te dis, on est souvent ensemble. Hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et souvent je réponds, bah, je crois que ça va, quoi. Mais c'est pas non plus la folie. Non, d'ailleurs, c'est aussi un truc que je voulais dire aux gens, c'est que je fais. Enfin, je parle beaucoup de ça, mais je sais pas ce que. Attends, faut que je retrouve ça parce que ça m'avait fait beaucoup rire. Faut que je retrouve ce truc. Attends. Un commentaire que j'avais lu une fois sur un reel de la Bonne Auberge que j'ai screené du coup. Parce que ça m'avait fait rire sur le moment. Et en même temps je me suis dit bon, faut peut-être faire une mise au point un jour. Donc c'est un reel où je fais une blague. La blague de il faut se mettre les mains au milieu et se toucher, pour les gens qui ont la ref. Et quelqu'un dans les commentaires a dit: de se dire qu'Adrien est un putain de solitaire déprimé la plupart du temps, ça me tue. Un mec aussi drôle devrait pas souffrir autant. C'est indécent. Alors quand même, relativisons, hein. J'ai des périodes où ça va moins bien, mais je suis quand même pas tout, chaque jour au bord de la fenêtre, genre allez, pas aujourd'hui. On dirait un fan du Joker. Putain, ce mec, il avait rien demandé, regardez, la société a fait de lui un monstre. Donc voilà, je voulais remettre les choses au clair, ça va. Hein. Parce que là, ma pendule indiquait minuit et demi. J'ai pas la... Tu l'as remise à l'heure. Ah oui, pardon. Bah oui, il est à peine 18h. Ah oui, d'accord. Non mais voilà. C'est pour dire que l'année 2023, c'est en dents de scie évidemment, mais mais il y a un peu un. J'ai eu beaucoup le sentiment de ah putain, ça stagne quand même. Enfin, un peu un côté ça bouge pas trop justement plan perso et plan pro. Et bon, sur le plan pro je m'en fous un peu parce que j'ai envie de gagner ma vie, et tu vois, enfin genre, si je continue à faire ce taf en gagnant convenablement ma vie, je serais déjà au top. J'ai pas d'ambition de devenir connu ou des trucs comme ça. Donc, et puis aussi, ça fait longtemps que j'ai appris que il y avait rien à attendre de ce métier, enfin tu vois, ce genre faut arrêter de se dire allez, là, c'est maintenant que ça va décoller et tout. Ouais. Tu ne sais pas, ça peut arriver. Il y a des. C'est marrant, j'ai vu une interview de Seth Rogen. Bon, c'était sur un truc de motivation de chiasse. Mais il disait il y a des gens, Ils ont de la chance très vite, ils pètent. Et puis t'as genre Ian McKellen, il disait t'as déjà entendu parler de lui avant qu'il ait 65 ans. Le mec, il a été Magneto, ouais. Il a été Gandalf et après il était un des mecs les plus connus sur Terre à 65 piges quoi. Et en fait, faut, je pense qu'il faut faire sa paix avec ça vite quoi et se dire bah en fait si t'es si ça te fait de la peine, c'est peut-être que il y a un truc à bosser parce que en fait moi j'ai envie de faire ce métier. J'ai pas envie de tant que je continue à faire mon taf et que j'ai pas de problème d'argent, c'est cool, je suis content parce que c'est enfin tu vois des projets de jouer comme bosser sur des projets comme Nous les Leroy, moi je voudrais le faire plus souvent mais dans l'absolu moi je suis content quoi. Non, il y a plus. Bah, en vrai, ça rejoint un peu ce que je disais dans le côté. Je disais en blague tout à l'heure, mais le côté, tu tires pas de. Je tire pas de leçons de mes erreurs. Alors, je suis pas non plus dans des tréfonds. Mais des fois, il y a un côté genre, mec, t'as 43 ans, j'ai l'impression que j'ai les mêmes. Je me sens perdu en fait un peu, tu vois, parfois. Et du coup j'ai eu un peu ce sentiment là en 2023. Après encore une fois ça va, ne mettez pas des commentaires genre le pauvre est au bord du gouffre. Non, je pense mais que c'est des questionnements humains se posent hein, je pense et que moi il m'est arrivé de me poser plein de fois. Là c'est évidemment la deuxième année de vie de ma fille et de mon premier film, donc on tombe sur l'année où je me suis évidemment pas du tout posé cette question, mais c'est des choses qui arrivent tout le temps. Mais la différence c'est que moi j'ai 43 ans et quand t'as cet âge là tu fais normalement tu devrais avoir quand même réglé, mais après je sais qu'il y a plein de gens de mon âge et au dessus qui ont aussi ces problèmes, mais c'est vrai que il y a un âge où tu dis putain quand même je devrais, il y a des trucs que j'aurais dû régler quand même depuis un moment mais en vrai après moi je suis persuadé que tu restes plus ou moins qui tu étais enfant toute ta vie. Ouais, moi je suis plus ou moins, je suis d'accord avec ça. Moi honnêtement, après j'ai pas ton grand âge, mais non mais j'ai 32 et les trucs qui me font kiffer et qui me rendent malheureux sont plus ou moins, alors enfant oui, ado quoi, enfin ouais. Non mais je veux dire, si tu me le moment où tu te construis quoi, voilà, si tu me voles mon doudou je vais pas pleurer mais oui je me rends compte que c'est ça, que toujours il y a les mêmes trucs de ma personnalité enfant. Il y a plein de similitudes avec le mec que je suis aujourd'hui. Ouais. J'étais un enfant casanier. Quand ma mère m'a forcé à aller en activité extrascolaire et tout, j'écoutais une interview d'Alexandre Astier, en l'occurrence, qui parlait qu'il avait mal vécu l'école. Bon, moi, c'est marrant, enfin, marrant, pas marrant, mais même si je me faisais harceler, etc., etc., j'ai pas détesté l'école. Mais je crois que je me suis pas posé la question, surtout. Ce que je me dis des fois sur ma fille, si elle me dit, ah, j'aime pas l'école, je dirais, je comprends, je détestais, mais moi, je me suis dit, oui, bah, c'est l'école. Enfin, c'est pas que je détestais, mais je me disais, oui, bah, c'est normal de pas adorer, entre guillemets, pareil. Tu vois. C'est genre, je déteste, je me disais, oui, tout le monde déteste. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a des gens. Mes parents, des fois, enfin, se plaignaient assez souvent de leur taf aussi, donc ça fait partie de la vie de faire des trucs que t'as pas envie. C'était d'ailleurs la phrase de mon père de dire oui, bah personne aime se forcer à faire des trucs. Personne n'aime la vie. Hein. Non, mais personne aime se lever ce matin et faire des trucs. Hein. Et c'était genre, écoute. Mais c'est peut-être qui t'a poussé aussi à faire un métier que t'aimes. Oui, et d'autant. Et surtout, j'ai. Enfin, bon, là, je rentre vraiment deep, hein, mais je pense que mon père fait un métier qu'il aime, en vérité. En plus, il fait ce métier depuis tout jeune, c'est du jardinage, il a besoin de ça. Le dimanche, on se baladait 3 heures dans la forêt. Si vraiment tu détestes ton taf d'être dehors et de toucher les arbres. Tu fais pas ça le dimanche aussi. Quoi. Bon, bref. Mais merde, pourquoi je disais ça? Oui, mais par contre, je détestais les activités extrascolaires. Mon cerveau disait non, là par contre, l'école c'est fini. Donc mercredi après-midi, samedi et dimanche, je ne fais rien. Je suis chez moi. Ce que je veux, quoi. Oui, voilà, je joue à la console. J'avais pas énormément d'amis, donc je voyais pas forcément beaucoup de copains, mais en tout cas, je faisais autre chose, quoi. Enfin, juste, et quand elle a commencé à me dire ouais, faudrait que tu fasses du judo peut-être ou des trucs comme ça et tout, elle a très vite arrêté. Ouais. Heureusement, moi j'avais le cinéma parce que elle s'est quand même dit bon, il a quand même une passion, donc ça va. Alors que mon frère, par exemple, si je pense qu'une bonne partie du temps dans la cabane, il se branle. Même si c'est une évidence pure, elle s'est dit bon, bah ça doit être, c'est un peu ça, son activité, vu qu'il va au ciné toutes les semaines avec son père, etc. Mais je sais que ouais, moi ça c'était ça que je vivais mal. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Et je suis quelqu'un d'assez casanier et qu'une fois que le travail est fini. Aller dans des soirées, aller dans des trucs. Et aujourd'hui, mon plaisir, pareil, c'est d'aller au ciné, quoi. Ça n'a pas trop bougé. Et... En vrai, après, évidemment, on peut progresser sur des trucs et tout, évidemment. Hein, je ne dis pas qu'on est. On n'est pas figé. On est figé dans la même merde toute sa vie. Mais force est de constater que Il y a beaucoup de trucs qui sont là au moment où tu te construis, et bah, après, en même temps, dit comme ça, c'est logique. Ouais. Oui, bah, quand tu construis un truc, ça reste tout le temps. Moi, j'ai eu une grosse phase Lego, et vraiment, j'avais une sensation de retomber en... Enfin, c'était... y avait vraiment un truc, ouais. Là, je fais vraiment la même... Alors, je suis juste le livret, ce que je faisais pas quand j'avais 8 ans, mais j'ai vraiment eu une phase de... Donc, t'as régressé, du coup. Il y a même plus de créativité. C'est vraiment... Non, mais je me suis vraiment dit, c'était pendant des vacances, et je m'étais programmé un samedi après-midi, j'avais pas encore Joanne, je me suis dit, samedi après-midi, je vais me faire la Batmobile en Lego, qui était énorme. Et je me suis dit, là, vraiment, je suis en train de faire un samedi après-midi de quand j'avais 8 ans, et c'est le... Et j'adore ça, et c'est trop bien. Et c'est là où on se rejoint pas, parce que moi, un des trucs que j'ai réalisé en 2023, c'est que je détestais les Lego. Ah ouais? Tu t'as jamais vu en acheter ou... Non, mais ouais. Déjà, je trouve. Alors, Oh là là! Je crache sur ton. Non, je trouve que globalement, je trouve ça moche le résultat final. Ouais. Je trouve que, bon, je suis pas Mister Écolo, mais il y a quand même un truc de vraiment acheter des morceaux de plastique. C'est, bon, voilà. Après, on achète tous du plastique, faut pas non plus, je suis pas en train de dire. Mais il y a un côté genre... T'as déjà pris l'avion, tu peux fermer ta gueule, c'est uniquement du plastique, c'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a pas un truc de... Non, bah, à la limite, ça, c'est... Bon, ouais. Je donne pas de leçons, je dis juste que symboliquement, il y a un truc... Non, mais ça te fait un truc toi, en tout cas. Et... je ne comprends pas la hype, et genre là j'ai vu autant, bon, des fois il y a des, tu vois, le truc de Friends et tout, je fais ah oui d'accord, mais à chaque fois je me dis ah si seulement c'était avec un design, la même chose avec un design beau, ce serait mieux. Et non, et surtout maintenant j'ai vu ils ont sorti des genre des Nike, des chaussures Nike beau Flandre quoi. Alors écoute, et attends, non, le pire que j'ai vu, c'est ils ont sorti un truc, donc à faire soi-même et tout, des pyramides. Oui. Enfin, t'as une pyramide d'Égypte, je sais plus laquelle. Ouais. Et c'est bah oui. Donc imagine une pyramide en Lego. Ah, peut-être qu'il y a des, il y a un peu des variations. Non, non, non. L'intérieur, t'es sûr qu'il y a pas un truc à l'intérieur? Ah, parce que des fois il y a ça dans les Lego. Attention. En tout cas, de l'extérieur, c'est une immonde pyramide de plastique avec des pauvres arbres de merde autour, mais même pas. Il y a même pas d'effort sur le truc. Parce que pour mettre un peu d'eau dans la merde, le Lego. J'entends. Non, mais moi je suis pas. Moi j'aime le Lego. Très précis. En revanche, l'activité, je comprends totalement. Le résultat final, à la poubelle pour moi. Mais moi, je n'affiche pas mes Legos. Hein. Ouais, c'est quoi qui est juste là à gauche? Ah, la maison des Simpsons. Ah, ouais, ça, c'est magnifique. Tu te fous de ma gueule, il y a tous les persos. Ouais, pas mal. Il y a le Quick Mart et à côté, la maison. Non, mais les Simpsons, c'est une symbolique folle chez moi. Bien sûr, c'est, bah, c'est moi ce qui m'a construit. Donc, bah, pareil. Mais tu vois, un truc Friends sympa, de la merde pour moi, par exemple. Parce que là, je trouve... Mais tu t'en fous de Friends? Non, pas du tout. Non, je trouve qu'en Lego... Cite-moi le prénom de Chandler. Bing. Non, c'est Chandler. Non, il y a un... Je trouve le résultat final, tu dis oui, bah, c'est un truc plat avec des petits meubles. Enfin, je trouve pas ça assez joli. Moi, ce que j'aime, c'est les véhicules en Lego. Parce que Lego, à la base, quand ils ont eu leur retour de hype, c'était quoi? C'était les vaisseaux Star Wars. Et ça, il y avait un truc un peu stylé de oh putain, bam, les réacteurs, les trucs. Jusqu'à ce qu'ils soient détruits par des invités. Oh là là. Et en vrai, ça m'avait énervé. Non, parce qu'on en parlait. Ouais. Non, mais en fait, moi, c'est les réactions outrées des gens. Oui, bon, d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'avais vu le truc, j'avais fait ah, j'aurais haï à leur place, quoi. Moi, j'aurais haï à leur place. Ah, ouais, d'accord. N'étant pas à leur place, j'ai adoré. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. On a un petit. Mais un truc d'empathie, tout simplement. Voilà, que je n'ai pas. Que tu n'as pas. Mais étonnamment, hein, c'est moi là qui ai l'empathie. Non, mais les véhicules, voilà, les trucs comme ça, je trouve ça assez joli en Lego. Je trouve que le résultat final, souvent, est assez sympa et tout. Mais. Que ça, j'achète pas. Tu vois, j'ai vu Arthur, que j'embrasse, j'ai vu qu'en live, là, il faisait un Baby Yoda Arthur en Lego. Perrier. Arthur Perrier. Baby Yoda, trop mignon, j'imagine. D'ailleurs, c'est gros goût. Pardon, je suis un geek, hein, donc voilà. Et bah, là, résultat final, désolé, Arthur, je trouvais pas très joli, tu vois. Non, mais parce que c'est un perso. Après, c'est pas de sa faute. Hein, c'est pas, non, mais peut-être qu'il l'affiche en ce moment chez lui en se disant que c'est magnifique. Donc, si c'est le cas, je veux pas. Bon, voilà. Après, il y a quand même des pop, figurines pop derrière toi qui sont vraiment le design le plus laid. Ils ne sont pas à moi. Tiens, tu vois. Oui, mais c'est chez toi quand même. Oui. J'ai pas tout choisi. Mais bon, voilà. Il y a sans donc... doute des trucs à toi très laid. Oh, attention! Ah, ça, c'est un truc que j'aurais. Bon, écoute, c'est pas très grave. Vas-y, parce que j'avais un truc genre parmi mes objectifs, lesquels ont été atteints et non atteints. Ah, mais toi, tu te mets des objectifs en début d'année? Pas trop, mais un peu. Ah, et okay. D'ailleurs, moi, ça m'énerve un peu tout le cynisme autour des résolutions. Ouais. Les gens qui disent ouais, super les résolutions, ouais, comme si vous alliez les tenir. Oui, bon, bah, oui, en bah, vrai, il y a un côté. Bien sûr. même si c'est illusoire, le côté de se dire c'est un renouveau et je remets les choses à plat et c'est cool. Après, évidemment, que pourquoi plus. Bah, c'est comme ça. Voilà, c'est... Veux-tu savoir ce que j'ai fait le 31 décembre au soir? Eh ben, le 31 au soir, j'étais avec Adrien, Sébastien et Sophia entre gros losers du 31 et Johan, rappelons-le. C'est vrai. Et c'est là où elle a dansé sur ce Manès. Johan. Et Francky. Et Francky. Johan a été terrorisé par un Francky. Un petit peu terrorisé, mais sur la fin, ça allait mieux. Oui, oui, ça allait. Elle a dit au revoir, wouhou. C'était quand même sublime. C'était adorable. Et il y avait un petit parcours, un arc, comme disent les youtubeurs. Arrêtez de dire ça. Ça ne mérite pas. Non, pas du tout. Le truc dont vous parlez ne mérite pas le terme technique d'arc. Et donc, le 31, je rentre chez moi, je couche ma fille, ma meuf faisait la fiesta avec des youtubeurs. Et moi, je me suis dit, je vais faire quoi? J'ai rangé ma penderie. Ça m'a régalé. Et je suis encore, des fois, quand je vais me coucher, je la regarde. Parce que ma penderie est juste devant mon lit. Je la regarde et je fais pas mal cette nouvelle année quand même. Mais dis-toi que, bon, moi, cette année, du coup, j'ai fait un truc. Mais l'année d'avant, j'avais rien fait. Parce que, en vrai, moi, je m'en bats un peu les couilles du nouvel an et tout ça. Mais j'avais fait ça, moi. J'avais fait le ménage chez moi le soir du nouvel an. Ouais. Et j'avais un sentiment d'apaisement. Je sais pas, hein. En fait, le côté. Genre, plus ou moins tout le monde, en tout cas beaucoup de gens sont en train de s'agiter partout autour. Et moi, je suis sous le regard bienveillant de ma chienne bien qui sûr. Était avec moi. Et j'ai fait le ménage en écoutant un podcast, je crois. J'étais bien. Et en plus, il y avait ce côté, bon bah, on repart sur de bonnes bases, tout est nickel dans l'appart et tout. J'avais adoré. Genre, ouais, j'en garde un excellent souvenir, bizarrement. Mais moi, c'est ça. Et j'irai même plus loin. Je pense que j'ai. Ça m'étonnerait que tu ailles plus loin. Je vais aller là-bas. Là. Ok. Je pense que j'ai toujours. On l'a beaucoup dit dans ce podcast. J'ai toujours été un peu vieux dans ma tête. Ouais. J'ai ça, un plaisir c'est d'enfant, mais. Là où on se rejoint. Voilà, je pense que j'ai des. Je suis quelqu'un d'assez vieux dans ma façon d'être, quoi. Voilà. Et j'avais vraiment un plaisir de. Ma meuf, elle fait la teuf, là. Bah, moi, je couche ma fille. Ah non, mais et je vais ranger mon truc machin. Et quand elle va rentrer à la maison, elle sera nickel. Ouais. Tu vois, j'étais vraiment dans un truc. Et je me souviens que t'avais dit, alors les femmes qui se plaignent de la charge mentale là, c'est bien là. T'avais dit ça, je me souviens. Bon, écoutez, voilà, plein, un très joli bilan. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2024? Qu'est-ce très qu'on souhaite pour 2024? Il y a quand même ce truc où j'aimerais savoir si Hugo Décrypte valide les mêmes à la fin de ses slides. Je vais pas rester comme ça, sachez que je vais mener l'enquête, je vais décrypter. Élise Lucet. Je suis Élise Lucet. Je suis tout simplement Élise Lucet. Et toi? Bah moi, ce qu'on peut me souhaiter, ce que je me souhaite... Ce petit renouveau, ce que tu disais un peu, un truc qui avance. Ouais, non, je sais pas, écoute, je sais pas. En fait, moi, il y a un truc aussi, c'est que... Parce que je... Comment dire? Souvent, je me rends compte que, en fait, juste arrêter de me sentir bloqué tout le temps. C'est pas une référence à ton programme court. C'était il y a des années. Là, je l'aurais pas dit. Non, je rigole. De m'ouvrir plus, tout bonnement, quoi. Mais encore une fois, arrêtez de commenter sur le fait quand je fais une blague de dire c'est fou que ce soit une merde dépressive. Ils ne méritent pas tout ce malheur. Ça va. Pas des gens qui se non, mais... rassure aussi en se disant merde, moi je me sens pas bien. Moi je pense que tu sais ce que tu es, Adrien, pour moi. Beaucoup de gens se retrouvent en toi. Beaucoup de gens se disent bah moi aussi je suis triste, moi aussi je vais pas très bien. Et ce mec là il fait des blagues, il essaie d'aller de l'avant. Et voilà, je pense que non, mais t'es après... pas une inspiration, calme ta putain de race. Non, bah surtout pas. Mais, alors d'ailleurs, ça, si les gens pouvaient arrêter. Bah, pour moi, gros red flag, toute personne qui un jour s'est dit tiens, je vais être inspirant. Les posts inspirants, mais tout, là, le moindre truc. Là, quand vous mettez des messages écrits sur, sache que tu vaux la peine et tout. Mais pour qui tu te prends? Essayez pas d'être inspirant. Non. Vivez votre vie et vous allez peut-être inspirer des gens, mais arrêtez de. C'est pas un but. Voilà. Ouais. La volonté consciente d'être inspirant. Ouais. Ouh là là. C'est comme. Fuyez. C'est comme dire à haute voix, je suis bienveillant. Ah là là. De la merde en bas. Voilà. Bon, merci en tout cas à tout le monde. Mais ça va, je précise, ça va. Là, on a vraiment. On a fini sur la pire note. Tout va bien. Attends, on peut finir sur une pire note. Quelle mauvaise note. Slurp, je suis Adrien. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.